Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Apéro original, le podcast disruptif natif qui t'évite le bore-out. Avec mes collaborateurs en coworking podcastique, nous sommes là pour faire découvrir le happiness. Participatif et inclusif, jamais oppressant, vous avez l'opportunité de vivre avec nous un moment chatoyant qui bouscule l'horizon des possibles. Fais partie avec nous des pionniers, deviens un provider, soit force de proposition du digital. Rejoins la grande famille de l'apéro original. J'aurais pu rajouter maintenant, deviens la ref du podcast. Malheureusement, ça fait déjà une semaine que je l'ai écrit avant que tous ces délires n'arrivent, donc en fait, je n'étais pas au courant. Mais j'aurais pu. Donc voilà, donc bienvenue dans cet apéro original, déjà session 13. Alors le nom, c'est raisonnable cette fois parce que nous sommes malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, nous sommes que trois autour de la table. Il y a eu des défections, on va dire, il y a eu des voilà. Oui, ce qui est bien, c'est que j'ai reçu un SMS disant que non, il y a 100 minutes. Non, je ne viendrai pas. Non, je ne viendrai pas. Donc vu qu'on avait déjà un petit peu prévu que ça serait juste entre nous. Donc il y a toujours bouffé pour 40 et à boire pour 50 à peu près, donc on est toujours à peu près... Mais surtout, avec la prune. La prune, il y en a pour illimité. Tellement personne ne veut en voir, on peut inviter autant de monde qu'on veut. Puis j'ai posté un message sur Twitter, parce qu'on a goûté la prune hier soir, en disant que est-ce que ça peut être moins bon les alcools comme ça. Il m'a fait oui, surtout les spiritueux, si t'as la bouteille qui est à demi ou à. Oui, elle s'oxygène, ouais, elle prend des problèmes. Ça s'oxygène et du coup. C'est moins bon. Donc je pense que. Il va rester comme ça longtemps. Ça va rester comme ça longtemps. Ah tchou. Enchaîne. Tu vois, c'est bien au moins. Ouais, mais moi je fais pas de bruit. Hein. Ah, que dit-il? Surtout quand il se masturbe. Donc nous sommes que trois autour de la table parce que nous devons, bien évidemment, disclaimer, devrais-je dire, faire un grand coucou à l'ami Tocheux. Qui n'a pas pu être parmi nous. Non, mais qui nous écoute, mais qui est aussi présent avec nous parce qu'il y a son verre rempli de graissin. De graissin, ouais. Il est rempli à ras-bord. Voilà. Donc on le. Voilà, la prochaine fois, voilà, on le réaccueillera, bien évidemment, avec plaisir parce que tout le monde le sait maintenant, c'est un beau sociétaire. Oui. Voilà, on lui avait fait des beaux jingles et tout. Un beau jingle, devrais-je dire, même le mot est faible, c'est un euphémisme, un magnifique jingle. Ah oui, merci. Et je pense qu'il méritera peut-être une écoute. Ah, tu me dis. Et Ah non, bon, on verra ça dans un autre épisode. Hein. Je pense que. Tu me dis. Vu le compteur, vu le prompteur, pardon, nous n'allons pas divulguer. Donc nous avons Azertov, comme toujours, maître de maison. Hein. Coucou, c'est moi. Maître de cérémonie et Asto, parmi les Astos. Il est Yo. Toujours là, toujours présent. Alors bon, épisode habituel, hein, on va pas. De toute façon, on est revenu à notre composition originelle, donc nous n'allons pas faire péter le rupteur. Donc on est toujours diffusé sur Pod Radio normalement. Oui, mais attends, je vais même regarder en live, vas-y, continue. Tu peux regarder. On pourra aussi rappeler que l'équipe, moins eux, je sais pas, pour ça, je sais voilà, pas. On sait pas. On sait pas, pour l'instant, on sait pas. Sera présente à Pod Rennes 2019, forcément. Hein, oui. Qui n'est plus Réon. Allez, Léon Le Berne. Hein, qui est. J'ai pas l'adresse, mais on a changé d'endroit pour un truc voilà. Plus grand, mieux et mieux. On dirait que t'es en train de parler de mon ex. Elle est partie. Je suis changé pour un truc plus gros. Mieux. Et mieux. Et surtout moins bavard. Et ça, je pense que elle aurait dû le dire. Et en attendant, toujours pour Pod Radio, nous pouvons aussi rappeler que nous avons fait au mois de mai. Non, mois d'avril. Une émission sur la bière. Oui. Et qu'à cette occasion, nous avons accueilli. Et même un peu plus, une émission spéciale, donc c'est une version shooter. Et oui, ouais, shooter. Sur la bière, enregistrée donc, dans les locaux de Radium. Je vais dire, mais où ça la radio des vrais hommes. À cette occasion, en fait, on a interviewé Lucas, qui est le cofondateur de Beemaker, donc qui vous permet de faire des home brewing. Voilà, qui vous permet de vous. Donc de la bière. D'appréhender la bière. D'appréhender la bière, je dirais même. Oui. Et donc à cette occasion, en fait, vous avez un petit code promo qui vous donne moins 15% sur votre commande Beemaker, donc beemaker.fr. Mm. Et ce code promo est apéro original, donc apéro avec un accent sur le E, tout attaché, et un E final à original, parce que on l'est. Comme le nom du podcast. Voilà. C'est pas apéro original. Point médian E. Non, là c'est vu que c'était avant ça, c'est apéro original, ouais. Comme le nom du podcast. Parce que oui, voilà, maintenant il faut le savoir, ce podcast est devenu LGBTQA+ friendly. Exactement. Donc ça y est, on a décidé de. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était mal référencé. Alors non, on s'est pas rendu compte, c'est toi qui lance ça comme ça, nous. là, ton jeu il va venir. Et en fait, on a décidé de rentrer directement dans des catégories où on avait absolument rien à voir, parce qu'on n'est absolument pas légitime. Hein. Je sais pas combien de six blancs hétéros autour de la table. Trois. Moi, je pense. Donc, sinon, pour en revenir sur la radio, donc, on est sur le canal Beta à 20h. Je regarde. Je vais dire un truc, du coup, et puis j'ai raté. Non, mais j'ai oublié. Ah. Canal Gamma, le samedi à 20h15. Ah, c'est qu'on aurait pu tomber en concurrence avec nous-mêmes. Oui. Ah si, je voulais pas. Oui, vas-y. Pour finir, Canal Delta à 19h45. Et des brouettes. Voilà, donc sur trois chaînes. Donc c'est pas bien. Mal. C'est bien, mais pas top. Si, c'est bien. Voilà. 3 sur 4. Monsieur ? Non, c'était sur le home brewing. Ah. Une petite bière en cours de fermentation qu'on a fait à deux avec Monsieur Azertov, qui sera prête pour le 14 juillet, une petite IPA du kit Beemaker. J'ai un route. Et voilà, on verra ce que ça donne, mais ça a l'air très prometteur à la mise en bouteille. Oui, en tout cas. Ça sentait bon. Mmh. Ça sentait bon les On pourrait devenir des références à podcast bière. Peut-être, je sais pas. Peut-être. On verra. Ça sera plus légitime. Peut-être, on verra. Oh, t'es pas LGBTQA plus toi. Ah ouais, t'es comme ça. Toi. Peut-être, on verra. Peut-être. Ah ouh, tu vas nous annoncer quelque chose. Tu vas nous faire. On verra. Tout à l'heure, il y a eu le bore out dans l'introduction. Alors le coming out maintenant. Oh, attention. Eh oui, en fait, je veux gagner l'argent du podcast. Oh non. Tout mais pas ça. Non voilà, donc ça c'était les informations plus mineures par rapport à cet épisode. Si vous voulez aller à Pod Rennes, foutre le feu. Je sais pas, des choses comme ça. Si vous voulez vous acheter votre propre bière, c'est bien. Si vous voulez faire votre propre bombe artisanale, c'est pas ici que vous aurez des informations supplémentaires. Donc après, moi je peux plus rien pour vous. Mais vous pouvez, par contre, vous pouvez savourer cet épisode. Et pour cet épisode, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons déjà la musique dans la peau de Monsieur Asto. Oui, mais ce sera pas du Zouk Machine. Hein, je vous rassure. Ah, d'accord. Donc déjà, ça veut dire que vos oreilles vont être un peu sauvées. Oui, et puis t'as loupé le fait qu'on déguste les bières aussi. Ah oui, non, mais ça, j'y vais après, ça. C'est, oui, ok, c'est, voilà. Ok. Autant moi, j'aime bien faire des trucs un peu disruptifs, tu vois. Ouais. Un peu, j'aime bien machiner, quoi. Parce que tu vas voir, t'es un collaborateur, faut pas déconner, quoi. Mais tu es force de proposition, c'est très bien, en tout cas. Et après, nous avons. Un point sur ton CV. Ouais, tu marques le sur ton CV. Alors après, nous avons un appel. Peut-être. C'est pour ça que je ne donne pas de nom. À deux doigts du sociétaire. À deux doigts du sociétaire cette fois. C'est pas un sociétaire qui lui met deux doigts. Pas confondre. C'est l'inverse là. C'est plutôt nous. Bref. Et on lui posera bien évidemment une question. Plusieurs. On verra. Mais non, tu sais, on a des forfaits illimités, faut en profiter. Quoi. Oui. On a des forfaits illimités, faut profiter. Maintenant, nous ne sommes plus contraints par cela. Et après, nous avons donc un. Alors, c'est un dossier Totter d'Asto, et là, c'est le quiz après Nazartov que nous avons, parce que je n'avais pas précisé, et ça sera du jamais entendu. Ou presque. Donc, si on avait eu Zouk Machine avant, après, on n'aurait plus à entendre, donc ça aurait été logique. Oui. Et bien évidemment, nous finirons par une petite musique, tout ça, etc. Mais tout ça, nous n'avons rien à foutre, parce que maintenant. C'est le moment que les autres podcasts nous envient, parce que c'est une référence, encore une fois. Ouais, nous sommes référents là-dessus. Déjà, nous appellent et tout, nous sommes des... comment ça s'appelle déjà? Des référents? Non, des influenceurs, voilà. Ah oui, oui. Voilà, les gens achètent de la bière grâce à nous et tout, c'est... Non, même mieux, des gens se mettent à la bière grâce à nous. Salut David qui est sur le chat et qui regrette le week-end et que depuis il picole. Tu vois, à Touché, on lui a fait aimer le manga. À David, on lui a fait aimer la bière. Bientôt, Emmanuel Macron va nous appeler pour faire je sais pas quoi. Mais bon, c'est fou, quoi. Donc, on a les têtes de prolo, on n'est pas de Paris. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Salut Manu. Salut. voilà. on va commencer par boire nos bières et on va commencer ça tout simplement par le petit jingle des familles. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter ! On va goûter ! Donc petit moment de flottement parce que il y en a au lieu de suivre le jingle il bouffe le jingle mais c'est le il suit le chat et Gandalf Tachian out high kick non non en fait le live disait le chat pardon disait qu'on ne leur fera pas aimer l'accent du sud. Forcément, parce que l'accent du sud, on le met en bouteille. Voilà. Donc, décap. Pardon, il y a. Voilà. Entre mes mains, le décapsuleur du destin, comme toujours. VNB. Ce n'est pas la serveuse de VNB qui nous l'a vendu, sinon je serais déjà en train de le renifler avec beaucoup d'amour. Évidemment, parce que. Ben quoi Mais je n'ai rien dit, moi. Il était vrai aussi que quand on était allé à Bordeaux, au VNB, on savait accueillir aussi avec moult prétentions. C'était quand même, c'était beau aussi, mais pas tant, parce que là c'est juste à côté, donc ça a le c'est goût. C'est ce qui a le goût du régional de l'État. Donc, eh ben, je le vois préparer son verre. Gros suspense pour savoir qui l'a en premier. Hein, c'est. Azertov, Asto, Asto, tiens, voilà, parce que tu n'es pas le maître de maison, donc je te laisse. Attraper le décapsuleur. Je ne sais jamais comment il marche ce putain de décapsuleur. Ouais, comme ça. Ouais. Ok. C'est le limonadier. Le limonadier, ouais. Alors, la petite bière. Alors, j'ai pris une petite bière d'un mec pas très connu. M. Qui tue ? Heineken. Non, Mikeller. Ah ! Donc, M. Qui tue. Ne connaissant. Heineken ! Oh oui, putain. C'est tueur, plutôt. Ouais, Mikeller. Oui. Le semi-tueur, ouais. Ne connaissant pas du tout vraiment ces bières, j'ai pris au pif. J'ai donc pris une Baby Tiger. Une Tiger Baby, pardon. C'est pareil. C'est quand même. Alors il y avait le bébé tigre et le tigre bébé. Alors ouais. C'est. Bon, c'est une petite bière avec un ABV. Oh ouais. De 5. Un ABV, c'est l'amertume. Hein. Non. C'est la couleur. C'est le taux d'alcoolémie. Alcool by volume. Oui. ABV de 5. Tu vois, une bière, c'est notre référent. Oui. J'essaie de vous pas besoin de taper sur Google. Faire remémorer. Alors, pardon, il n'y a pas de petites icônes. Par contre, il y a marqué Government Warning. According to Surgeon General, women should not drink alcoholic beverage during pregnancy because of the risk of birth defect. Et en deuxième, il y a marqué Consumption of alcoholic beverage impairs your ability to drive car. Or operate machinery and may cause health problems. Donc il n'y a pas les petits écriteaux clairs. Par contre, c'est écrit. Oui. Mais si t'es déjà bourré, t'arrives pas à le lire, le truc. Oui. Donc c'est un peu... Au début, quand t'as mis alerte du gouvernement, je pensais que t'allais dire the ISNCF is the shit. Je m'en ai joué un truc comme ça. Allez, hop. Un petit pchit. C'est bizarre, ça n'a pas fait un bruit chelou. Une jolie couleur de bière, comme je les aime particulièrement. En tout cas, j'apprécie beaucoup l'étiquette de sa bière, je trouve. Ce ouais. Petit rose saumon est très joli. Ouais, les étiquettes des bières Michelleur sont toujours c'est assez élégant. Sympa. C'est élégant. Ouais. Bon, le suspense est encore plus compliqué, vu qu'on finit toujours par le présentateur. Oh mon Dieu. Donc j'ai le choix entre Monsieur Azertov et Monsieur Azertov. Oh, ça sera moi. Mais quelle surprise. Donc moi, c'est une petite bière d'une brasserie qu'on a à peu près jamais goûtée. Marlowe. Non, l'autre, qui est la Sainte Crue. Donc ça, c'est le nom de la brasserie. Aussi, on a fait l'orange mécanique, oui. Sex and... Sex Ale... Oui, Sex Je sais plus, mais... Là, donc, c'est une Harakiri. Là aussi. Donc, c'est une triple Sorachi. Donc en, fait, on est d'accord, c'est un certain nombre de chevaux qui rigolent. Le Hara, oui, Kiri. Kiri, oui. Voilà. Oui, non, rien à voir avec le fromage. Je mettrai pas un jingle en retard. Oui, et là, bah, en fait, j'ai pas de. Ah si donc c'est interdit à Sigourney Weaver, bien sûr. Polichinelle, tout ça. Là. Elle est à 8 degrés. Donc on commence fort. Donc on se fait bien. Ouais. Et il n'y a pas plus d'informations parce qu'en fait, dessus, bah, c'est juste la croix symbolique Gami. De la brasserie. La croix Gami. Non, ce n'est pas Gami. Et donc du coup bah, avec un joli petit zombie dessus et une pastèque dans un cactus. Ah oui, c'est un cactus. un cactus. De cactus. Moi, j'ai pas vu sur le côté de mon étiquette qui a marqué c'est donc une ale avec de la mangue et du fruit de la passion. Celui que j'ai de sérieux, alors obligé d'attendre. Hein. C'est fini de terminer. Hop. Donc moi j'ouvre sans faire de bruit et je pose là. Pour pas que ça fasse de bruit. Et je rapproche tout ça pour en foutre partout. Alors Toshu qui dit sur le chat, il est à jeun Gandalf, non parce que le Harakiri là... J'ai mes messages qui partent pas des fois sur mon truc. Oui, là il est parti deux fois. Mais je le vois pas. Ah oui, oui, oui. Moi je. Oui, oui. Mais je l'ai envoyé deux fois parce que je le vois pas. Oui, mais des fois ça sur le pub, c'est pas. Ah bah oui. Bah peut-être c'est fait par Gandalf 80, alors faut pas. Oui, puis voilà. C'est entre nous. Et bah donc je redonne à qui de droit. Oui, donc j'étais à jeun, voilà, donc mes blagues sont approved. Et non, t'es pas à jeun, t'es à castre. Voilà, continue. Non, mais ah bah non, mais j'ai même pas besoin du décap, je suis con. La blague du Harakiri, ça aurait pu être une blague de flag. Hein. Oui, oui, clairement, même une blague de flag. C'est vrai. Tu vois, tout le monde du podcast est ici, parce qu'on est une référence. Donc les gens viennent, même à part... voilà. je vais pas trouver pas le mot pour finir ma phrase, donc je préfère ne pas la finir. Autant pas finir la phrase. C'est tellement rare que je me finisse pas. J'ai dit pour une fois. Hein. C'est pas grave. De toute façon, c'est toujours vite commencé. Alors, vous savez, on est au mois de juillet, là. Fait chaud. Oui. Fait beau. Putain, on est là, quoi. On a un clan de cagoules, quoi, enculé. Mais malgré tout, j'ai décidé de boire une blonde de Noël. Quitte à être con, l'autre, jusqu'au bout. Mais pourquoi avoir choisi cette bière de Noël au moment du mois de juillet, tu sais, au moment où on a la prise de la pastille, là, tout ça. Et bien, tout simplement parce que c'est une bonne secours et donc c'est une bière vivante. Donc cette bière qui est inversement proportionnelle de moi il y a quelques enregistrements de cela, bien évidemment, où j'avais un peu blafardi. Un petit coup de moins bien. Un petit coup de moins bien, on va dire. Donc, étant bière vivante, c'est une bière qui travaille un peu, on va dire. C'est-à-dire qu'elle va pas te passer l'aspirateur, mais quand même, elle fait des trucs, tu vois, elle travaille un peu. Donc, il faut la laisser un peu maturer. Et je me rappelle qu'à un certain VNB de Castres, nous avons eu ce conseil révélateur qui nous avait dit oui, ce genre de bière, on l'avait goûté là, à 1 an et 6 mois, et c'était à peu près à 6 mois qu'on l'avait trouvé à peu près le mieux. Donc je me suis dit, en l'achetant à Noël, je m'étais dit je l'ouvrirai vers le mois de juin. Parce que comme nous sommes des fiers fémateurs, nous enregistrons au mois de juin. Donc c'est ça que je vais goûter. Mais avant cela, elle a été refermentée en bouteille. Dessus, il y a une sorte de mère Noël. Elle fait 9 degrés de volume alcoométrique. On peut la recycler aussi avec les bières. Bah, elle va repartir au WC. Hein. Donc, quelque part, c'est du recyclage. Hein. C'est la brasserie Collier aussi. Voilà. Il faut dire le nom des petits brasseurs aussi. Et c'est une 33 tout à fait classique, sauf que moi, elle est avec un. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette merde. Un bouchon mécanique. Voilà. Ouais. Éloignez-vous des écouteurs. Alors, je me mets loin. Mais là, les... Ouh, ça va. Je sens que je vais pas dormir. Alors, dans 15 secondes, on va avoir tout le monde sur le chat qui dit ah, mes oreilles! Parce que ça a bien pété quand même. Ça a quand même bien pété. Ah, bah, c'est vivant, hein. Ouh, je suis. Les couleurs de nos bières m'épatent bien ce soir. Elles sont très jolies toutes. Elles sont à peu près toutes dans la même. Un peu plus. Moi je suis un peu plus en vrai. Foncé, ouais. Tu as le spectre. Ouais, c'est ça. Les trois Dalton. Oh. Ça, c'est parce que tu. Ah oui, Campai. Yogoi, Campai. C'est pas épicé. C'est très Noël. Si vous voulez goûter. J'ai déjà goûté, moi, la Bon Secours de Noël. Si quelqu'un veut goûter la... J'ai déjà goûté la Harakiri aussi. Si tu veux goûter la Harakiri. Ah, et du coup, Toshio est à la Brewdog Elvis Juices. Oui, il est pas mal, la Elvis. Ouais. C'est quelle couleur d'étiquette, ça me dit, hein. La Elvis Juice, je sais plus ce que c'est. Je sais plus laquelle c'est. Putain. Ah si, c'est celle qui est au raisin, je crois. Ah oui, je vois. Peut-être. Mais c'est bien bon ça. Ouais. C'est pas du tout sur la même tonalité. Bah, la mienne est quand même un petit peu. Un peu acide, un peu. Ouais, acide, ouais. Amère. Ouais, voilà. L'étiquette est rouge marron. Marronasse. C'est la Elvis Juicide. C'est bien celle au raisin, non? Grapefruit. Hop, attends, j'allais sur le site directement. Non, j'ai pas. Moi, les autres, sinon, je vais regarder sur mon tap. Hein, oui, dans le temps, hein, pour discuter de toute façon. Malgré tout, on a pris une bière, mais c'est pas parce qu'on a pris une bière. De toute façon, il disait 5 fruits et légumes par jour. Alors. Grapefruit infusé d'IPA. C'est ça, donc c'est l'IPA au raisin. Ça m'aurait plu. Donc, pour accompagner tout ceci, il faut toujours un peu d'assaisonnement. Bah oui. Nous avons cette fois une brasserie artisanale. Vous en avez déjà entendu parler dans ces magnifiques épisodes d'Apéro Original. C'est une belle de Trébasse. Et ça, c'est l'une des rares que je n'ai pas bu encore. J'en ai deux de garde à la maison. Que bien évidemment, je garde. Que je n'ai pas goûté. Mais là, malgré tout, c'est une Imperial Stout. Alors, je pense que c'est Anastasia qui a écrit, mais je ne suis pas sûr. Parce que je ne lis pas le russe courant. Oui, ça a l'air d'être de ça. Voilà. La flemme me fait un peu. Mais... Oui, bah, vu ce qu'il y a derrière, en tout cas, ça y ressemble. Si tu veux essayer de lire. Voilà. C'est moi. Ta lecture. Il n'est pas là pour lire, ouais. Mais là pour agir. On va dire que c'est ça. Voilà. Donc, alors celle-là, elle n'est pas de garde. C'est une version tout à fait traditionnelle. Mais je ne l'avais pas goûtée. Donc je vais en parler avec un. Vas-y. Non, mais je. Je suis en train de lire. Je vais le lire à nos amis. Alors, c'est brassé selon mon procédure, bon, comme d'hab. Hein. C'est brassé comme une bière. Ouais, c'est brassé comme une bière. Si un dépôt, c'est normal, comme au fond de mon frog. Toujours cette blague, toujours. Alors, il vaut mieux la stocker verticalement, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière, et c'est à servir, vous voyez, entre 10 et 14, celle-là. Un peu plus. Voilà, un petit peu plus. Et verser lentement, parce que sinon, on en fout partout. Et emballage réutilisable, forcément, c'est du verre. Et visiblement, elle est un peu bio, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont bio. Donc en fait, c'est eau, malt d'orge, malt de blé, mélange de malt d'orge torréfié. Bio. Voilà. Oui. Sucre de canne, houblon et levure. Et est périmé en 2020, donc on a déjà un peu d'avance. Oui, généralement, ça prend du temps, ce genre de bestiole. Ouais. Et donc voilà, c'était une Imperial Stout de 8 degrés, donc ça va être de la belle brune. Et voilà. Et pas de la belle burne. Et on va commencer le servevage. Donc préparez vos auges, mes chers amis. Je vais. Vous voulez que je serve de l'eau ou l'attends un peu? Non, attends un peu qu'on aura fini. Pour la petite dossier, allez, si vous voulez faire. Parce que sinon, après, on a trop. Ouais, c'est vrai que comme c'est une brune, ouais, ça va être un peu plus. Un peu plus pas pareil. On va éviter de mélanger. Oui, déjà. Mais oui, j'étais chaud, moi, j'étais parti sur ma bière. Du coup, on va commencer. Hein. Ouais. J'ai déjà dit du coup, d'ailleurs. Du coup, c'est moi qui dis du coup, d'habitude. Ouais. Donc, nous avons passé. Alors, cette fois, c'est un vrai dossier. C'est un vrai dossier. Oui, c'est un dossier. C'est un dossier. C'est un dossier de Asto, et donc c'est la musique dans la peau. Alors, de quel quoique qu'on va parler? Alors, dans ma vie, j'ai plusieurs passions. La branlette. Ouais, entre autres. Mais j'aime beaucoup les jeux vidéo, entre autres. Et Est-ce que vous avez des waifus? Oui, mais comme tout le monde. Mais je suis normalement constitué, j'ai des waifus. Bien sûr. Dans les jeux vidéo, les mangas ou ce que tu veux. Ou les animés. Moi, c'est dans le podcast. Je rince un peu la bouche parce que la sauce salsa est... Elle picote. Ouais, ça va. Elle est bien. Elle va bien. Et donc dans les jeux vidéo, je suis pas forcément un joueur de gros jeux AAA ou quoi. J'aime bien les trucs un petit peu plus indé souvent, ou des trucs un petit peu plus... Oui, du coup, AAA, c'est les grosses productions, c'est les blockbusters. Ouais, c'est ça, les gros blockbusters. J'y joue, ça peut m'arriver. Genre Assassin's Creed. Voilà, ça j'y ai jamais joué par exemple. Assassin's Creed, les Fallout, les Fallout. Elder Scrolls, j'ai à peine joué à Skyrim. Ouh, voilà. Moi j'étais du Morrowind, moi, monsieur. Et donc, il y a une catégorie de jeux vidéo que j'aime beaucoup. Alors, plusieurs catégories. Donc, par exemple, les jeux de plateforme. Plateforme. Je suis amateur de plateforme en 2D. Donc, type Ori and the Blind Forest... Mark of the Ninja, Céleste, très récemment, Hollow Knight qui me fait de l'œil là, qu'il faudrait que je... Si tu le prends pas, tu seras criminel de guerre. Que je vais prendre sur Switch. Mais pas que. Il y a une autre catégorie de jeux que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être, hein? Les trucs Henri. Il est bien ce jeune. Et bien sûr. Et d'où le titre de mon dossier qui s'appelait « La musique dans la peau ». Je ne vous parlerai pas de Maldon des Zouk Machines, mais je vais vous parler de jeux de rythme. T'as même fait bouger le voisin tellement t'as dit Zouk Machine. Oh. J'avais envie de vous parler de jeux vidéo qui vont vous demander d'être un petit peu en rythme avec la bande de son du jeu. Donc je vous ai sélectionné quelques jeux. Ouais, quelques noms. Quelques jeux auxquels j'ai joué, j'ai pris mon petit tote bag. Toujours. Cette fois, il n'y a pas des mangas dedans, mais il y a des boîtes de jeux. Oh, de toute façon, il n'y a pas tout chaud. Alors. Oui, mais c'est pas grave. ça m'aurait pas empêché de vous faire un truc avec des... Oh, bah bien évidemment. Avec des waifus. Alors, bon, je vais prendre un ordre de mon doc, ça sera plus simple pour moi. Donc, il faut déjà que j'aille chercher dans mon petit tote bag. Dans la besace. Voilà, dans ma besace. Donc, au vu de ma besace, enfin, des boîtes de jeux, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être comme... Alors déjà, il n'y aura pas Cryptozoneer, parce que tu ne l'as pas en boîte. Je ne l'ai pas en boîte, effectivement. Ouais. Donc, des jeux en boîte, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, est-ce que tu veux sortir le Miku sur 3DS, peut-être, non? Il y est. Project Diva ou... Il y est, ouais. C'est Project Mirai, c'est ça. C'est ça. Mais je vais commencer par le premier de oui. de mon conducteur, à savoir Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call, ouais. À savoir le jeu de rythme basé sur Final Fantasy, donc que j'ai en version boîte un peu collector, puisque à l'intérieur il y a également, il est toujours sous blister d'ailleurs, je l'ai même pas ouvert, le CD. Ah oui, c'est vrai. Et c'est la suite de Theater Rhythm aussi. Ouais, du Theater Rhythm du premier. Donc le Remix Selection, donc avec le petit CD qui est livré avec, où dedans il y a quelques morceaux, savoir le prélude de Final Fantasy, le Lucky Theme de Final Fantasy VI, le Main Theme de Final Fantasy VII, Thunder Pains de Final Fantasy X, ah, tandis que le voisin a démarré le groupe électrogène. Ah non, parce que le soir, parce que le soir il démarre d'autres trucs, hein, je pense. Voilà, donc le petit coffret avec, avec le CD. Et le jeu, bien évidemment. Et le jeu. Parce que parfois, il y a des lames en bruit. Du jeu. Mets de côté. Mets de côté, là. Oui, c'est. Mets de côté, là. C'est. On va, justement. Hop. Donc la petite boîte du jeu. Que je vais poser. On va prendre un photo, là. Alors, Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call, c'est quoi? Donc, c'est un jeu 3DS. Mm. Où vous allez former une équipe de 4 héros, ouais. Tirés des sagas Final Fantasy. Alors au début, c'est un pot pourri. Vous aurez des persos, enfin vous allez débloquer des persos au fur et à mesure du jeu. Et donc vous allez tenter de surmonter des défis musicaux en solo, en mode versus. Il existe un mode versus en ligne, ou bien en mode quest, c'est-à-dire où il va falloir faire plusieurs morceaux à la suite, en choisissant un petit peu un trajet pour accomplir une quête qui va vous donner des récompenses. Qui vont permettre d'acheter des nouveaux persos avec la monnaie du jeu. Donc c'est un jeu avec plus de 200 morceaux, issus des différents Final Fantasy. 60 persos à débloquer, à jouer. Donc trois types d'épreuves, donc des épreuves de type battle, donc, qui sont les épreuves un petit peu classiques, on va dire, du jeu, où il va y avoir donc plusieurs lignes avec des inputs qui vont arriver, il va falloir les faire au bon moment. Le mode Atlas, où en fait il y aura un seul input et il va falloir le suivre, en fait, il va bouger, donc ça va être plus tactile, en fait, c'est plus jouer en tactile, puisqu'on peut jouer soit en tactile, soit avec les touches. À la touche. Le battle, je préférais jouer le battle aux touches, par contre le mode Atlas, je préférais le jouer en tactile, je trouvais ça plus sympa. Et enfin, le mode cinématique, en fait, c'est plus des lignes, en fait, c'est un seul truc avec des inputs qui arrivent, mais qui va se balader un petit peu partout sur l'écran. Un peu comme Elite Beat Agent. Très probablement comme les Miku, les Hatsune Miku. C'est un peu le même style. Alors en deuxième jeu auquel je voulais duquel je voulais vous parler, donc c'est un jeu dont je n'ai pas la boîte cette fois. Une grosse boîte ? Non, je n'ai pas la boîte, donc ce n'est pas un jeu que j'ai sur 3DS. Ah, c'est sur Switch. C'est le truc avec le scarabée qu'on a joué il y a 3 mois ? Non. Non ? Il est un petit peu plus loin. Non, là, je vous ai sélectionné donc Crypt of the Necrodancer, ouais. Que je n'ai pas sur Switch, mais il faudrait peut-être que je le prenne. Il serait peut-être mieux. Il est sorti sur Switch, là ? Je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Donc Crypt of the Necrodancer, donc un petit jeu de mots, hein, The Necrodancer. Donc un petit jeu, un jeu de rythme roguelike, savoir quand vous perdez vous recommencez à zéro, mais au fur et à mesure vous allez pouvoir débloquer un petit peu des bonus, des choses comme ça. Donc il faut bouger sur la musique et se battre en suivant les pulsations du groove de la bande son de Monsieur Denis Baranowski. Compliqué à dire. Oui. Sacré Dan. Il existe également un mode un peu custom, ouais, savoir on peut également importer nos propres musiques dans le jeu et jouer sur la musique de son choix, sur nos propres musiques si t'as envie de tester. Moi j'avais testé une fois avec une musique, je sais même plus ce que j'avais sélectionné. Ça permet de comme ça tu connais mieux le rythme de la musique, ça peut influer un petit peu sur le truc. Par contre, il faut faire gaffe à la durée du morceau, puisque au bout d'un moment, si tu n'as pas fini le niveau à la fin de la bande son, hop, tu passes au niveau suivant, et tant pis si tu n'as pas eu le temps de ramasser des bonus au premier niveau. Quoi. Donc, ou des bonus. Des bonus. Crypt of the Necrodancer, qui est dispo sur Steam, qui va arriver ou qui arrive sur Switch, et je ne sais pas s'il est sur d'autres supports également. Il est sur PS4, je crois. Peut-être. Je n'ai pas regardé l'info, je n'ai pas regardé ça. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Cryptos Necrodancer? Donc vous allez bouger, en fait c'est des cases, vous allez, c'est un peu une sorte de vue de dessus un petit peu, donc avec des cases et donc avec, le, avec votre joystick, quoi, avec vos flèches, vous allez choisir de quel côté vous voulez vous déplacer, et donc il va falloir se déplacer avec le rythme de la musique, qui va en fait on le voit en bas avec des petites barres qui arrivent au fur et à mesure sur, un, sur le pulse en fait, pour te dire c'est à ce moment qu'il faut que tu fasses ton action. Donc te déplacer ou utiliser des objets aussi, tu vas pouvoir poser une bombe ou manger une pomme pour te régénérer ou pour, pour essayer de poser une bombe pour faire péter des ennemis. Et pas poser une pêche. Et les ennemis également, ils vont bouger sur le rythme. Alors en fonction des ennemis, vous allez avoir le squelette de base qui va bouger sur un temps sur deux. Premier temps, il va monter les mains en l'air. Et deuxième temps, bombe, il va avancer. Deuxième temps, il va monter les mains en l'air et avancer. Et ainsi de suite. Après, ça c'est vraiment les ennemis basiques. Voilà. Il y en a qui vont bouger à chaque beat, mais ils font... ils vont faire haut, bas, donc tu peux anticiper leur mouvement, voilà, c'est vraiment le côté roguelike où tu vas apprendre les patterns des ennemis pour, au fur et à mesure pour arriver à les battre et pour arriver à faire ton niveau et aller le plus loin possible. Je suis très nul. J'ai fini la zone 1, c'est tout, je sais plus combien, il y en a 5 ou 6. Je n'ai réussi à finir que la première zone, à chaque fois une zone c'est... 2 ou 3 niveaux, je crois, me semble. 3 niveaux, et après il y a un boss pareil où tu te bats sur une musique. Alors, en fonction de la musique, peut changer d'une fois sur l'autre en fait pour la même zone. Mais le boss va être adapté à la musique. Par exemple, il y en a une, c'est un truc très groove où tu te bats contre une espèce de gorille, je crois. Enfin, un truc comme ça. Il y en a une où c'est une espèce d'échiquier avec une autre musique. C'est vraiment, et pareil, il faudra apprendre le pattern des boss. Bon, un petit peu tous les petits monstres qu'il y a autour du boss, comment ils se déplacent. De toute façon, généralement, dans les jeux de rythme, c'est faut que tu apprennes la patine. C'est ça. Tu l'as, en fait, c'est ta mémoire musculaire qui fait le truc. Ouais, des fois, c'est ça, ouais. C'est... Mais là, en fait, ouais, tu as le double apprentissage en fait, de la musique et, de, et du roguelike, quoi, des patterns du roguelike. Après. D'une fois sur l'autre, la musique ne va pas bouger. Le niveau 1 de la zone 1, c'est toujours la même musique. Le niveau 2 de la zone 2, c'est toujours la même musique, et ainsi de suite. Donc voilà pour Crypt of the Necrodancer. Hop, le suivant, il faut que je rattrape Babzas. C'est de nouveau un jeu sur 3DS. Une grosse Babzas. Alors, il est où? Hop. Elle est sous le caché. C'est celui-là. Elle est bien pleine, ta Babzas. Ah. Un jeu du nom de Rhythm Paradise Megamix. Ah oui. Ou Rhythm Tengoku, je crois. Ouais. C'est le Tengoku, celui-là. Rhythm Tengoku. Donc, un jeu japonais. Ouais. Un jeu de rythme sur Nintendo DS, 3DS. C'est 3DS, mais... Ouais, là, c'est 3DS, mais bon... Cette famille-là. Aussi, voilà, toute la famille des Rhythm Paradise commençait également sur DS. Donc, c'est une compilation, en fait, des meilleurs mini-jeux des séries de Rhythm Paradise, en fait, ce Megamix. Plus de 30, enfin plus des mini-jeux exclusifs à la version Megamix. Je crois qu'il y en avait même sur GBA, je crois. Que ce soit sorti déjà bien avant. Et donc on va devoir utiliser soit les touches, soit le stylet et l'écran tactile de la 3DS. Le Tactilus. Pour faire les actions dans le rythme qui nous est imposé en fait. Donc il y a une multitude de mini-jeux, tous plus farfelus les uns que les autres, complètement débiles, quand tu fais du badminton sur des avions. Voilà, t'as deux avions qui volent en parallèle, un c'est l'ordinateur et l'autre c'est toi, et donc bam, il t'envoie le volant, il fait du badminton, et toi il te faut renvoyer dans le rythme, et ainsi de suite. Et si tu, c'est vraiment au poil de cul près, hein. Par contre, Rhythm Paradise, c'est assez sévère en termes de pattern. Ouais, la difficulté, c'est... Le temps de réaction souvent est très très court, donc souvent les mini-jeux tu les fais deux fois, quoi. Une fois pour comprendre ce qu'il faut faire, parce que des fois c'est pas hyper clair non plus, et une fois où tu te dis ouais ça y est j'ai compris, et là tu fais vraiment le mini-jeu pour de vrai. Donc il y avait un mode histoire, le mode histoire était vraiment pas foufou. Du coup dans ces cas-là il n'y a pas un mode tuto juste avant l'épreuve? Si, en fait c'était un espèce de tuto juste avant l'épreuve, mais des fois le tuto tu l'aurais suivi, tu sais pas trop comment. Il y en a un tuto, je sais plus lequel c'était, j'ai passé je sais pas combien, 10 minutes à essayer de réussir le tuto parce que j'arrivais pas à être dans le tempo du truc. Je galérais, j'arrivais pas. C'était vraiment la misère. La zermie. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, l'épreuve des escaliers fruités, où tu es dans des escaliers, tu as des ananas qui tombent et hop, il te faut sauter au bon moment pour les éviter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc un bûcheron, donc il faut... Oui. Tu as des espèces de... C'est quoi, ces espèces de chatons, ouais, qui arrivent et qui te foutent une bûche sur un tronc coupé, en fait. Et toi, il te faut la couper. Alors, des fois, il t'envoie une bûche, des fois, c'est une grosse bûche, donc il te faut mettre trois coups. Mmh. Des fois, c'est une canette, donc il te faut pas taper. Enfin, voilà, il te faut réagir super vite. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, le badminton, des épreuves... Ah oui, les interviews sportives avec le catcheur. Ah oui. Je sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, bon, c'est vraiment des trucs farfelus et très, très débiles, hein, en général. Pour Rhythm Paradise Megamix. Ah, le jeu suivant, c'est un petit peu le jeu qui m'a fait dire, tiens, je pourrais faire un petit dossier là-dessus. Il y a quelques mois, il y a 6 mois, ouais. Lors de la préparation de la veille d'un apéro, on avait eu une discussion avec messieurs Noé et messieurs Péremptoire au sujet d'un jeu de rythme. Oh. Est-ce que vous vous souvenez? Non. On avait passé la soirée à écouter de la musique. On s'était fait une playlist. C'est quand on avait mis El Tang. Non, on n'avait pas mis El Tang. C'était ici. Ouais, c'était ici. Quelle playlist on avait mis? Et on avait parlé de nos souvenirs de Guitar Hero. Eh oui. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai. Et je pourrais faire un petit dossier sur ça. Donc j'ai choisi Guitar Hero 3. Parce que voilà. Parce que le 1 et le 2. Ah, le 1 et le 2, non, mais après j'ai joué au 4, j'ai joué au 5, j'ai joué au 6, j'ai joué au. Le 5, c'est le retour. Hein. Ouais, c'est le 6, c'est le bleu. Il y en a un, les deux, c'est tour quelque chose. Hein. Je sais plus. Enfin, Guitar Hero 3, donc, libérez le guitariste qui est en vous avec Guitar Hero 3 Legends of Rock. Déchaînez-vous avec votre instrument sur 71 morceaux d'anthologie. De Kiss à Slipknot, en passant par Queen of the Stone Age ou les ZZ Top. Les Z2Z Topes. Exploser le compteur seul ou à deux et maîtriser parfaitement chaque morceau jusqu'à devenir un vrai rocker dans l'âme et c'est dans la grâce. Oui. J'allais dire, il y a que. C'est pas dans celui-là où il y a tout le. Toute la panoplie. Non, c'est Rock Band. Enfin, c'est. Ah oui, il y avait tout à l'époque. Guitar Hero, Band, quelque chose. C'était celui où t'avais vraiment. C'était celui où il y avait des boss, le 3. Oui. Où il y avait Slash. Il y avait Tom Morello, il y avait. Ouais. Tu sais, comme un morceau, il y avait Cliff of Dover de Eric Jones. Ouais, exact. Il y avait. Mais ça, j'en parlerai dans Up to Heaven. Et c'est vrai en plus. Mais pas cet album-là. Donc vous n'entendrez pas Cliff of Dover parce que je suis un merdeur. Donc il y avait une panoplie de morceaux, tous aussi mémorables les uns que les autres. Et ça finissait par Dragon Force. Toujours ça finit par Dragon Force. Alors, Dragon Force, c'était le dernier. Non, c'était le morceau du générique de fin du jeu en fait. Ouais, une fois que t'avais fini le jeu. C'était dans le générique de fin et t'avais Dragon Force. Dragon Force. T'étais pas obligé de le jouer parfaitement, enfin tu faisais ce que tu voulais si tu veux. Et après tu l'avais débloqué. Tu faisais des solos, des 16 et 4 guitaristes qui ont. De toute façon, Dragon Force, tu fais ce que tu veux, ça passe. Hein. Ça passe, ouais, exactement. Non, ça c'était. Raining Blood. Ouais. The Slayer. Parce que alors celui-là. C'est n'importe quoi. Tu veux faire un expert, tu. Bah peux, c'est du def. Hein. Roll face sur la guitare, ouais. Bah, t'as perdu, hein, mais c'est fait exactement pareil. Ouais. C'est n'importe quoi. Non, mais il y avait des morceaux extrêmement mémorables. Cult of Personality de Living Colors. Living Colors, ouais. Voilà, c'était le morceau qui nous avait marqué à Péremptoire et à moi. Sur le chat, ils parlent de Paramore. Donc, Paramore. Du coup, la musique était utilisée dans Twilight. Alors, ils avaient utilisé une musique de Twilight dans Paramore. Paramore, je crois pas qu'il y en avait dans du 3. Il me semble que c'était Paramore. C'était dans le 3, il me semble que c'est dans le 4 qu'il y avait Paramore. Il y avait Paramore, hein. Peut-être. Là, c'est dans les premières musiques que tu débloquais dans le 3, je crois, qu'il y en a eu. Je suis à peu près sûr qu'il y avait du Paramore dans le 4. Dans le 3, j'en ai pas forcément souvenir. Mais oui, dans le 4, il y avait aussi des morceaux assez cultes. Il y avait Beat It de Michael Jackson. Il y avait du No Doubt. C'était Spiderweb de No Doubt. Oui, je crois, ouais. Il y avait quoi, merde, il y avait Crazy Train de... Ah, de Alice Cooper. Non, de... Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, pardon. Il y avait de Alice Cooper aussi, il y avait Schools Out, c'est pas de pour ça. Peut-être, ouais. Enfin, Riot, de Paramore, ça doit être ça. Non. De quel an? Peut-être. Riot. Peut-être. C'est possible, je m'en souviens plus exactement. Ah, c'est... Non, dans le 4, c'était... Businessman. Non, c'était pas businessman, c'était un truc machin business, je crois. Rage Against the Machine. Qui était de Paramore, il me semble que c'est dans le Guitar Hero 4. You know Rage Against the Machine. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre morceau Bon, il y avait The Seeker qui était bien, The Zoo aussi. Ah oui, il y avait. Il y avait une chanson en français aussi dans le Guitar Hero 3 là. Je suis partout à la fois. Ah oui, bah, y a parce qu'il y avait. Dans les musiques un peu, fait, qui étaient à côté, qui n'étaient pas dans le mode 4 là. Oui, mais qui étaient dans les modes. Les, ouais, il y avait Superbus. Oui. Si, il y avait Superbus. Oui. Vous n'avez pas la vidéo, mais il y en a un qui se donne à fond. Il se la donne. Il se la donne. Misery Business. Misery Business, exactement. C'est celui-là qui était dans le 4, hein, de mémoire. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y avait Santana aussi. Avec la Black Magic Woman. Oui, exact. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Muse avec Knight of... Oui, Knight of Sindonia. Ouais. Il y avait The Smashing Pumpkins. Il y avait toute une playlist. Elle avait du Red Hot Chili Peppers, mais qu'en en mode coop. Ouais. Je crois que c'était c'était un des. Non, c'était pas un boss, ouais. Mais c'était le morceau que tu n'avais que quand tu faisais la campagne en mode deux joueurs, puisque tu pouvais jouer qu'à deux joueurs. Moi, j'ai de me rappeler. Et c'était Suck My Kiss de Red Hot Chili Peppers, qui était dans le deuxième concert, enfin, début du jeu. À la place de Tom Morello, en fait, je crois, à la place du Rise Against the Machine. Oui, c'est ce qu'il met, ouais. C'est vrai qu'il y avait aussi, putain, moi je la faisais tout le temps, tu sais, il y avait Hero of Silence, del Silencio, il y avait Avalancha. Avalancha. Elle était bien seule. Alors je sais plus, enfin, il y avait Truc of Saint Sebastian aussi. Comment ça fait, enfin. Qu'est-ce qui se passe? On va le chat, faire un tour sur le chat. Alors il y a Randall qui fait Eh oh, je refuse que quelqu'un d'autre que moi, Santana. T'es, mais c'est les rois de la blague. Ah ouais, toi à côté de ton Harakiri, c'est vrai que oh, mais c'était une petite bite ça. Ah donc oui, voilà, il y avait Steve Ray Morgan aussi. Je pouvais pas faire un dossier sur les jeux de rythme sans évoquer Guitar Hero. Bah, c'est vrai que quand je pense à jeu de rythme, c'est vrai, moi j'ai Patapon aussi qui me revient en tête. Ah oui, c'est vrai. C'est le jeu Pata Pata Pong. C'est sur Sony, ça, non? C'est possible. Ouais. Enfin, ils en avaient parlé un moment sur No Life. Et Guitar Hero, forcément. Ah oui, The Weather. Guitar Hero, on peut parler aussi rapidement de Rock Band. J'ai beaucoup moins joué. J'avais également un Rock Band sur la Wii. C'était le Rock Band de Beatles. Ouais, parce qu'il y avait le Rock Band AC/DC aussi. Oui, ils avaient fait pas mal. Avec le concert à Wellington. Non, le concert à... Non, je me trompe pas. Donc Rock Band, c'était le même genre que Guitar Hero. Je trouvais ça un peu plus sévère. Oui. C'est sur le timing, ils étaient un peu, c'était un peu plus sévère que Guitar Hero. Barracuda. Oh putain, oui. Barracuda. Il y a aussi The Killers. Ouais. Sur Guitar Hero 3 avec When You Were Young. Ouais. Toujours un super morceau à jouer. Voilà, on va pas faire la setlist complète. À mon avis, il y avait combien de musiques à peu près? Une bonne centaine, un peu plus. Il y a marqué 71 morceaux. Ouais, 71 De Kiss à Slipknot. Alors, je sais plus qu'est-ce que c'était. Kiss, le numéro de la bête. Ouais. C'est quand tu voulais l'appeler. The Number of the Beast. c'était. Oui, si. Et bien évidemment, une. Quoi? One. Oui. Merdalica. Apocalyptica. Apocalyptica Metallica. Quoi? Apocalyptica. Ouais, c'est ce qui démarrait avec le bruit d'hélicoptère, c'est ça, non? Non, One, c'est. Tun tun tun tun. Tun tun tun tun. Tun tun tun. Ouais. Tun tun tun tun. Tun tun tun tun. Tun tun tun tun. Non. On va demander à Sertov de nous mémer les 70 morceaux de Guitar Hero 3. Non, il y en a plus, je sais même pas ce que c'est, surtout ceux qui sont à côté. Vas-y, dis. Oh, bah, tu sais, ceux qui étaient à côté, il y avait The Scout of Saint Sebastian. Mais oui, The Scout of Saint Sebastian, elle était trop bien. Elle s'appelait comment déjà? Attends, alors c'est In Love. In Love, putain, celle-là aussi, je l'ai joué très très souvent parce qu'elle était avec vachement bien. Super abus. Et Dragon oui, Force, bien évidemment. Il y avait une Flame aussi. Super abus, bien sûr. Qui fait grave. Enfin voilà, les set listes de Guitar Hero. C'est vrai que le jeu se fait partout à la fois. T'as le mec dans une jeu, je veux pas l'avoir dans une partout, je lui dis pas sûr. Je crois que c'était un. Quand tu l'as joué à un extrême, ouais. Oh, mais c'était que des triples. Donc sur les 5 frettes, en fait, il te fallait en appuyer 3 à la fois tout le temps. Et ça arrêtait pas de changer, t'appuyais 3 fois sur l'une, puis tu changeais 3 fois l'autre, puis tu 3 fois l'une. Enfin, c'était. Tu te pétais les doigts dessus. Elle était pas compliquée, hein, mais tu te pétais les doigts dessus. Il y avait du The Wizard aussi dans Guitar Hero 3. Je la jouais souvent aussi, elle était sympa, ouais. Et c'était. Est-ce que c'était dans celle-là qu'il y avait Blanket aussi de Blanket. De merde, je sais plus comment il s'appelle. Ah, Pépé sur le chat, Asie Guitar Hero 3, j'aurais pu vous en parler 3 heures. Et bah ouais! Bah ouais! Mais c'est tu sais ce qu'il te faut faire, Pépé? On refera un dossier spécial Guitar Hero 3, oui. On en parlera à 3 heures. On va essayer d'avancer un petit peu sur ce dossier. Pour le passage en société A. Si vous voyez ce que je veux dire. On va passer au jeu suivant, donc un jeu que je n'ai pas en boîte non plus, un jeu que j'ai sur Switch qui existe. C'est le Scarabée. Sur smartphone. Ça me fait. Il existe sur iOS, le jeu avec le Scarabée, je crois. Oui. Je sais pas. Oh, ça doit être du Hatsune Miku ou du Project Diva. Mais non, c'est Voiz. Voiz, si tu veux. V-O-Z. Mais ça se prononce Voiz en fait. Donc c'est un jeu, bon, il coûte 20€ sur Switch, mais il existe de manière gratuite en fait sur smartphone. Vous pouvez l'acheter. Gratuitement sur smartphone et débloquer le contenu petit à petit. L'oiseau fait son lit. Exactement. Donc Voiz, c'est un jeu de rythme du studio Rayark, donc qui est sorti en mars 2017. Mm-hmm. Un petit moment où vous incarnez Chelsea, une jeune adolescente qui a comme rêve de fonder un groupe de musique. Accompagnée de ses amis du lycée, Chelsea va fonder le groupe Voiz et tenter d'aller dans les sommets. Donc le jeu est également disponible sur Switch, comme je vous le disais. Donc le truc qu'on s'appelle Chelsea, qu'on est une adolescente, je ne savais même pas, avant de lire le pitch du jeu. Non, parce qu'en fait, tu t'en fous, il n'y a pas vraiment de mode histoire. Ouais. C'est vraiment du mode libre où tu fais les musiques que tu veux, et en fait, au fur et à mesure, tu débloques En fait, tu vas débloquer des entrées dans le journal intime de cette personne, donc tu vas petit à petit comprendre qu'est-ce qui se passe. En gros, on s'en bat les couilles, frère. Ouais, tu t'en fous un peu. Je vais avoir. Donc, c'est japonais. Hatsune Pamikui. C'est disponible sur Switch, comme je vous le disais, depuis une mise à jour il y a quelques mois. Avant, c'était uniquement tactile, maintenant on peut jouer également avec les touches. C'est touchatile. Ça n'a aucun intérêt. Il y a plusieurs colonnes qui bougent. Ah oui, c'est sûr, ok. Voilà, il y a plusieurs colonnes qui bougent, donc quand c'est tactile, bah, il faut pianoter un petit peu sur le truc. Si tu joues en mode touche, en fait, t'appuies sur une seule touche et t'as juste, quelle que soit la colonne, t'appuies sur la même touche. T'appuies sur la touche et. C'est tout. Oui. Faut juste appuyer sur la touche au bon moment. Ouais, si c'est une autre tenue, tu laisses appuyer sur ta touche. Et puis s'il y a une tenue plus d'autres, bah, t'appuies sur ta touche et tu prends une autre touche au hasard et t'appuies. C'est one touch at-il. Ouais, c'est ça, c'est. Oui, donc ça enlève tout l'aspect justement de gameplay où c'est au tactile, où tu dois appuyer au bon endroit. Oui, mais c'est bien pour les joueurs en situation de handicap. Alors, ça te permet d'y jouer. Oui. Ça te permet d'y jouer sur un écran plus grand que l'écran de ta Switch ou de ton smartphone. Tu peux le foutre sur ta télé, mais du coup, l'intérêt du jeu est complètement perdu, je trouve. Donc, je vous le recommande. Si vous voulez le tester sur smartphone, il est gratuit. Après, vous pouvez débloquer du contenu en payant ou payer directement. Non, on dit pas en payant, on dira en crachant au bassinet. Voilà, mais déjà en gratos, vous allez pouvoir faire quelques musiques. Moi, il y a quelques musiques que j'aime beaucoup et que je refais régulièrement. Donc, le jeu suivant que j'ai sur. C'est un jeu que j'ai sur Stoam. Sur Monsieur Stoam, un jeu de rythme sur Steam. Du nom de Beat Trip Runner. Oui. Donc, de la série des Runners. Voilà. Dont le 3 vient de sortir sur Switch. Runner 3. Sur PC, il est déjà sorti, je crois. Je sais plus. Donc Big Trip Runner, c'est un jeu de plateforme et d'action le plus rapide et le plus délirant sur Steam. Parcourez la lune, défoncez des murs de cristal à coups de pied. Défoncez des passez sous d'énormes limaces lunaires à l'appétit féroce. Bondissez dans les mines des robots et affrontez leurs grands mécaniciens. Parcourez la mégalopole pour trouver des amis qui vous aideront à écraser le boss final. Runner est le quatrième épisode et opus de la série de Big Trip, acclamé par la critique et couronné de récompenses. Dirigez Commander Vidéo quand il court, saute, glisse, vole, envoie des coups de pied de plus en plus haut et plus encore. Gameplay très addictif. J'ai vraiment copié le truc Steam. Hein. Donc, gameplay très addictif qui vous fera répéter encore une petite dernière. Oh. Des défis modernes et rétro palpitants vous transportant dans plus de 50 niveaux. Invité surprise, le groupe de chiptune Anamanaguchi. Retrouvez Commander Vidéo dans Big Trip Runner, le plus épique des voyages. Ouh. Donc c'est un runner, donc un personnage qui court, qu'on peut pas arrêter. Un jeu de rythme, donc il y a des obstacles qui arrivent et donc il faut appuyer sur les bons inputs, truc pour sauter, des fois il faut sauter, des fois il faut glisser, des fois il faut mettre un coup de pied pour péter un mur. Et le tout, ça va agrémenter un petit peu la musique. Et crescendo. La musique va aider. Le jeu que j'ai jamais fini parce que je suis bloqué au monde 9, je crois, sur 10, un truc comme ça, enfin, la fin du monde 9. Et c'est chaud patate. Ouais. Il te reste encore combien de jeux là à peu près? 4. 4, ok. Pourquoi? Non, mais c'est juste pour savoir. Pour se doter l'anus. Il faut que j'accélère, c'est ça? Non. Enfin, on a passé du temps sur. Mais, on n'est pas beaucoup, donc je m'étale. Oui, fais ce que tu veux. Je m'étale. Donc voilà, Big Trip Runner, donc le Runner 3 qui vient de sortir il y a récemment. Runner 3, a priori, qui est. Il y a plein d'invités dedans. Mitigé. Les avis sont assez mitigés. Bon, il y a plein d'invités. Le passage à la 3D, moi je suis pas convaincu du truc. Ouais. Hein. Je préfère avoir le truc vraiment 2D. Ils avaient fait pareil quand ils étaient passés en 3D pour. Comment ça s'appelle ce putain de jeu Que le 1 et le Trine. Tu sais là où tu jouais le magicien et tout là. Ouais, Trine. Ah, oui, que le 3 était passé en 3D. Je savais même pas qu'il y avait un 3. Il y avait un 3 Mais je me suis arrêté au 2. Oui. J'ai le 1 sur la Wii. Ouais. Non, sur le PC même. Ouais. Et je crois que je vais avoir le 2 sur le PC et le 1 sur la Wii. Ouais, et le 3 était en 3D. Ouais. Pas une grande réussite. Hein. En tout cas, Big Trip Runner. Le Big Trip Runner, très sympathique comme jeu. Il m'a demandé pas mal de réflexes, pas mal de skills. De skills, de die and retry, parce que bon. Oui. Chaque fois, tu vas aller un petit peu plus loin dans la musique et te prendre un obstacle que tu connais pas. Que tu connais pas, oui. Voilà. C'est un petit peu le principe des Die and Retry, justement. Voilà, c'est ça. Hop, allez, je passe au suivant. Le suivant, il est dans la besace. Dans la besace. Il m'en reste pas beaucoup dans la besace, il m'en reste deux. Donc celui que vous avez déjà nommé tout à l'heure, du nom de Hatsune Miku Project Mirai DX ou Deluxe. Qui est en fait la compilation du Hatsune Miku Project Mirai 1 et 2. Qui sont sortis chez les JP. Mais chez nous, aucune trace. Nous on n'a que le Deluxe. Voilà, bon, c'est pas. Bah, c'est comme les pubs Deluxe, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir chaque jeu indépendamment ou le Deluxe? Ou en rien avoir, mais le ou avoir que le Deluxe qui regroupe les jeux indépendamment? Moi, j'apporte tout. Moi, en tout cas, je suis très content de ce Project Mirai. Il y a un petit cadeau avec. Ah bon? Il y avait un bracelet, je sais pas quoi avec. Ah, moi, j'avais pas vu. Oh. Ah, peut-être je confonds avec celui sur Vita. Peut-être. Non, je crois qu'il y avait des autocollants, je sais pas quoi avec celui-là. Alors, la star de la pop japonaise Hatsune Miku fait ses débuts européens sur les consoles de famille Nintendo 3DS. Suivez le rythme et jouez avec vos icônes de la pop japonaise préférées dans Hatsune Miku Project Mirai Deluxe. On va jouer avec, ça va être trop bien. Donc l'occasion pour moi de faire un petit rectificatif sur ce que j'ai pu dire sur Vocaloid lors du shooter. Hein. Donc shooter, J-Music, hashtag voilà, donc j'ai raconté plein de conneries, j'en suis désolé. C'est bizarre qu'on raconte des conneries quand même. Voilà. C'est pas mon genre. Jamais. Par exemple, j'ai dit que Vocaloid c'était Sega. Non, Vocaloid c'est Yamaha. Tu vois ? Bon, après, comme je dis, c'est les droits sont joints quand même. Ouais, parce que en fait, Sega, ils font un peu. C'est eux qui éditent tous les jeux. autour voilà. de la licence Vocaloid. En gros. S'occupe des droits. Oui, donc il peut y avoir une. Tout ce qui est jeu avec Miku, c'est Sega tout le temps. Ouais. Oui. Après, ouais. ça m'étonnait pas que ce soit Yama parce qu'ils font vraiment des instruments. J'avais dit que Gumi, c'était pas une Vocaloid. C'est une Vocaloid. C'est juste que en fait, elle fait partie du logiciel Vocaloid. C'est juste qu'elle n'est pas faite par, je sais plus comment il s'appelle, Krypton. Mmh. Krypton, donc ceux qui ont fait les personnages. Donc, oui, c'est vrai, c'est Krypton. C'est Megboid qui a créé Vocaloid, qui a créé Gumi. Megumi est quand même une Vocaloid. Gumi. C'est compliqué ce bordel. Enfin, voilà. C'est Dallas, quoi. Donc Katsune Miku Project. C'est-à-dire qu'à un moment, Miku elle va se réveiller de qu'elle était morte. C'est ça. Vous savez, sous la douche. Donc c'est l'occasion de jouer des morceaux. Attention, hein, non, il y en a certains qui sont réveillés sous la douche. chut, ils sont vite endormis. Hein. C'est l'occasion de jouer quelques morceaux, une sélection de morceaux, je sais plus combien il y en a exactement. 48. C'est pas très raisonnable quand même. Hein. 48 morceaux. J'ai hâte que des filles gueulent sur mon podcast. Mais 48 pas arrivé, morceaux de Vocaloid. Donc des morceaux assez connus pour la plupart. Comme Sunbones de Kura, bon voilà, par exemple. Hein, voilà. Moi je te le dirai toujours, c'est connu des gens qui connaissent. C'est l'occasion de jouer donc, avec des personnages de la licence Vocaloid. Donc il y a Miku, il y a Lucas, il y a les jumeaux Rin et Ren, il y a les ancêtres Meiko et Kaito, et il y a Gumi. Voilà, sur certains morceaux, il y a Gumi. Un personnage jouable, entre guillemets, c'est-à-dire avec lequel tu peux interagir, tu peux leur acheter une maison, leur acheter des vêtements, enfin voilà. Tu peux prendre le café avec eux, des choses comme ça. Mais c'est un jeu qui est très bien pour les jeux comme nous, là, pour les petits jeunes qui n'ont pas d'argent pour s'acheter une maison. Ils peuvent acheter une maison, un jeu Vocaloid, donc c'est très bien. C'est mieux que des Sims. Tu peux louer une villa, enfin voilà. Faire plein de trucs. Ils auront la vie de château, hein. Tu peux faire un réversi avec, avec les personnages. Mais tu peux le faire que avec ceux de Krypton, par contre. Donc pas Gumi. Les autres, mais pas Gumi. Fâché. Tu peux également les amener dans un studio de danse et en fait faire ta propre chorégraphie sur le morceau de ton choix. Il y a plein de petits... De petits featuring additionnels. C'est ça qui est beau. Une fois de plus, il est jouable soit en tactile, soit au bouton. Ouais. Et du coup, il y a une différence entre le... Ouais. Ouais. Là, c'est pas du foutage de gueule. Il est ultra dur au bouton. Ouais. Ouais. Au tactile, tu vas avoir trois zones en fait sur ton écran tactile, jaune, enfin bleu, rose, jaune. Donc tu vas devoir appuyer sur la bonne zone en fonction des inputs qui arrivent de la couleur, voilà. Plus des flèches, donc si c'est des flèches, bah, il faut faire. Oui, glisser. Tu montes sur ta zone, tu montes, tu vas à droite. C'est ça. Les inputs, du coup, tu as les inputs de Nintendo, donc A, B, Y. Et les couleurs qui correspondent. Plus les touches fléchées. Bah comme sur les Miku de base en fait, c'est. Voilà. Miku de base c'est comme ça en fait. Ce qui fait que t'as beaucoup plus d'input et c'est beaucoup plus dur. Mais quand c'est dur. Parce que en plus, en tactile, tu vas avoir un seul input à la fois, c'est-à-dire que soit une couleur, soit une flèche, mais un seul à la fois. En bouton, tu peux avoir à la fois des ABXY plus des au bas gauche droite. Donc ça. Ah bah si c'est au bas gauche droite. Donc ça ajoute vachement de difficulté au truc. Bah c'est comme une écoute de base. Hein. Oui, ça, ouais. Mais c'est, moi je trouve ça ultra dur. Pour avoir fait certains grandes démos les premières fois, tu fais oula, mais ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Mais en effet, ça l'est. Donc j'ai joué que. Enfin, pas que, mais j'ai beaucoup plus joué en tactile. J'ai quasiment fini tous les morceaux avec Laurent S. Au début, j'avais compris Laurent S+. Laurent, non, avec qui... le rang S+. Mais qui est cet homme? Sachant que sur les 48, les 48 morceaux, je crois, il y en a 6 qui, en plus du mode easy, medium, enfin du easy, normal et hard, ils ont un mode méga hard. Donc, même ces morceaux-là, je les ai finis avec Laurent S+. Ah oui, je l'ai bien poncé le jeu, ouais. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps. Ponçage surveille. Ponçage surveille. Allez, on va passer à la suite. Un jeu sur Stoam avec un petit vaisseau spatial où il faut. C'est une espèce de shooter. Un jeu de tir, un rythme. Qui peut se jouer à plusieurs. Ma bite. Qui peut se jouer avec les morceaux de son choix. Ma bite. Ah, mais c'est pas le truc qui passait sur No Life avec le vaisseau. Audio Surf Non, c'est pas Audio Surf. Il tire pas dans Audio Surf. C'est pas le vaisseau ? Qui tire sur les trucs et qui se déplace. Tu peux te déplacer partout sur l'écran. Tu te déplaces comme tu veux. Tu vas dire le nom, je vais dire oui. Ça s'appelle Beat Hazard. Ah oui. Beat Hazard. Ah, oui, putain, c'est un espèce de raid shooter en fait, sauf que bah, t'es pas sur un rail, sur un écran fixe, et en fait, des ennemis, des espèces de vaisseaux qui arrivent dans tous les sens, qui te balancent des boules. Toi, tu dois éviter les boules, tu dois, avec ton petit vaisseau, tirer sur les ennemis. Donc, Beat Hazard Ultra est un jeu de tir et de rythme dans lequel le joueur devra survivre aux diverses pistes audio proposées en prenant soin de tirer sur tout ce qui bouge avec un certain timing. Ce timing dépendra notamment de l'apparition d'ennemis et du boss. Il faut tirer. Hein. Voilà. Plus tu rentres en fait dans le bon timing, plus le boss arrive en fait. Plus tu vas accélérer le truc en fait, plus ça va être facile et tu vas accélérer le truc. Et tu vas également faire apparaître des bonus qui vont changer les armes de ton petit vaisseau, des choses comme ça, donc faciliter ton jeu. Donc c'est un jeu sur Steam qui peut jouer à 2, je crois, maximum. Mais je crois pas que tu puisses jouer à plus. Tu peux jouer soit avec des pistes du jeu, soit avec des radios, en fait, t'as des radios. Oui, direct, Tu peux jouer sur les morceaux de radio. Bon, y en a très peu. Du coup, c'est des musiques ou des radios qui sont préchargées sur le jeu. C'est pas toi que tu peux rajouter ta musique. Tu peux rajouter ta musique. Du coup, ça veut dire que ça analyse la musique pour lancer les trucs au bon timing. Ouais. Le beat, c'est la cacette. Alors, le jeu suivant, c'est enfin le jeu avec le scarabée. Ah, Thump First. Thumper. Donc là, si j'ai bien compté, c'est le dernier jeu. Ouais, presque. Donc Thumper, à la fois rythmé et violent, Thumper réunit toute l'action des jeux de rythme classique, la vitesse foudroyante et la réalité physique impitoyable. Vous êtes un scarabée de l'espace. Bravez le vide infernal et confrontez Bravez le vide infernal et confrontez une gigantesque tête décharnée venue du futur. Une espèce de tête squelettique dégueulasse. C'est ultra psychédélique. Hein. Je lui ai déjà fait jouer un petit peu, quoi, enfin, vaguement. C'est ultra psyché, c'est ultra violent. C'est ultra rapide. Quand tu vois le début du jeu, tu fais « Oh, ça va vite !» Puis quand t'es au niveau 9, que tu reviens au niveau 1, tu fais « C'était long !» C'est super long. Parce que quand t'es au niveau 9, tu fais « Oh putain, c'est quoi ce délire ?» Donc un scarabée sur un rail, et puis il y a des espèces de trucs... Des merdoums. Des merdoums, voilà, si tu veux. Genre une petite barre, et donc il va falloir que tu t'appuies sur ta touche quand la petite barre arrive, sinon tu te prends la petite barre dans la gueule et ton scarabée de l'espace, il explose et t'es mort. Et tu recommences au début. Il y en a qui ont pris des grosses barres dans la gueule. Pardon. Ah. Donc un jeu... Salut à feu. Donc celui-là est disponible, moi je l'ai sur Switch. Je sais qu'il est disponible sur d'autres supports. Il est sorti pas mal de trucs. Le dernier en date, me semble-t-il, la étant... table du 1600. Alors je sais pas si le dernier c'est la Switch ou le PlayStation VR. Oula. Tu peux y jouer en VR. Vous êtes marrant ça. Pourquoi pas, ouais. Ouais, ah bah ça mais ça s'adapte bien ce genre parce que t'es. Ouais, parce que t'es, c'est un ride, c'est pas. T'es, t'es statique et voilà. Ça peut s'y adapter, mais je pense que ça va être assez perturbant comme truc. Bah après, ouais. Ça va être. Oui, ça, à tester. Pour choper une bonne chiasse. Comme la prune hier soir. Oui. Voilà, moi j'y ai joué sur Switch, j'en suis au niveau 9, je crois. Sur 11. Donc il y en a 10 ou 11. Allez, le dernier jeu. Hop, faut attraper la besace. Ah, la besace magique. Donc un jeu sur 3DS. Vous avez compris le pattern. Hein. Si c'est la besace, c'est un jeu 3DS. Alors, je vois pas. Non, t'as pas d'idée. Mais ça va me. Un Project Diva, non ou... Non, j'ai que le. Oh. J'ai que le. Oui, puis Project Diva, c'est que sur Sony, je crois. Ouais, les Diva Project. Ouais, les Diva Project, ouais, t'as après, ouais, Diva Project sur PS Vita et PSP. Et PS4. Ouais. PS3, PS4. Parce que le dernier, c'est le Project, le Future Tune. Non, le dernier jeu, alors c'est merde, comment ça s'appelle hein. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelait ce putain de jeu. Si, Professeur Layton. Ouais. Un jeu de rythme. En rythme, ok. Non, tu vas toujours pas Professeur Layton, jeu de rythme. Hop. Rhythm and Thief. Rhythm 6 et les mystères de Paris, donc c'est un jeu vraiment comme du Professeur Layton. Et les mystères de Paname. Et les mystères de Paname. Paname sur scène. Donc c'est vraiment du professeur Layton, sauf que vous retirez les énigmes, les petits mini-jeux d'énigmes, et à la place vous mettez des mini-jeux de rythme. Comme il ne pouvait pas donner le nom de professeur Layton, alors il l'a appelé professeur Cuivre. Et voilà, c'était ma blague. Donc ça se passe à Paris, vous allez incarner un jeune garçon accompagné de son petit chien. Milou. Je sais plus comment il s'appelle, hein. Je sais plus comment il s'appelle le mec. Milou le Tempin. Avec des... Vraiment c'est très... dans le look, c'est vraiment professeur Layton, quoi. Même look que professeur Layton. Ouais, même en termes de character design, ouais, ça... Character design. Ça pourrait être en fait dans le même univers. Ouais, les Level 5. Ne suis pas fait par les Level 5. Je sais pas, plus, il me semble que c'est... Parce que Sony sont souvent que éditeurs, donc... Ouais, Sony Europe, super. Je sais plus exactement. Non, ça aurait été marqué. Hop, ça aurait été on va essayer de dire le petit synopsis. Donc, Rhythm Thief et les Mystères de Paris est un jeu d'aventure et de rythme sur Nintendo 3DS. Vous y incarnez un jeune voleur parisien, Raphaël. Et pas Mouloud. Oh, pardon. Qui va devoir retrouver le bracelet de Tiamat. C'est Raphaël, c'est pas très français non plus. Tout en résolvant le mystère de la disparition de son père. C'est juif. Pour cela, vous devrez réussir... vous devrez venir à bout de plusieurs épreuves musicales en gardant le rythme, mais aussi explorer les rues de Paris pour trouver le fin mot de cette affaire. Explorer les rues de Paris, parce qu'en fait le métro est en panne. Exactement, je crois que le méchant s'appelle Napoléon. Putain. A noter que moi j'ai une artiste japonaise qui chante en français. Des trucs, et ben c'est chelou. Parce que moi elle dit liberté, égalité, fraternité. Moi elle dit Montpellier. Le futur est... Je crois que Philippe Catherine rajoute mon cul à la fin. Et une chanson, il fait liberté, mon cul. Un truc du genre. Moi, je sais qu'il a sodomisé, mais ça, c'est Gilles. Gilles Dor, si tu nous écoutes. Gilles Dor, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Et donc, voilà ma petite sélection de jeux perso, de jeux que j'ai, de petits jeux de rythme. Voilà, je pourrais plus parler. Moi, je rajouterai, parce qu'il en manque malheureusement, mais niveau toujours. Oui. Il est un peu moindre, il y a TXK sur PS Vita et PS3. C'était la suite d'un ancien jeu qui était sorti il y a des millénaires, tu vois. Peut-être que Randall Fleck connaît, lui qui est vieux. Oui, mais il nous écoute plus. C'est pas grave, quand il écoutera l'émission, au pire. Oui, mais il nous écoute pas. Bon, on va dire que c'est un connard. Il écoutera pas, de toute façon, il viendra pas gueuler. De toute façon, je viendrai pas Podren, donc je vais pas gueuler. Donc, c'est un peu en noir et blanc, je pense que ça plairait à la Miniasto. Et puis, il y a bien évidemment, je ne peux ne pas les citer, Oendan et la reconversion, adaptation anglaise, européenne, qui est Edith Beat Agent, qui est un putain de monument. C'est le jeu fini avec, à la fin, Rolling Stone, Jumpy Jack Flash, et moi ça a été le... Et c'est le premier jeu de rythme, je rigole pas, c'était des petites histoires. Premier jeu de rythme où j'ai pleuré. Parce qu'à un moment, il y a une histoire avec un enfant à Noël, c'est rare que je pleure devant un jeu, mais alors ça m'a... Ça t'a bien estomaqué. Oh, ça m'a roule-barriqué. Toutes ces révélations surprenantes. Et voilà, on en arrête là, parce que je pense qu'il y a un truc sur le feu. Ah non, on aurait pu parler de... Maubit. D'audio surf, de... C'est vrai. Très bon jeu aussi, audio surf. De séquence, ou de... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais c'est pas ce qui manque, hein. D'autres, on aurait pu parler de DDR, on aurait pu parler de Just Dance ou des choses comme ça. Just Dance, avec les versions JP où il y avait du. Donc ce dossier, ça fait longtemps que je l'avais en tête et que j'avais préparé. Et. C'est moche. Hier, non, avant-hier, je crois, est sorti sur. Dans la rubrique Pixel du Monde. C'était avant-hier pour le 21 juin. Ils ont sorti un petit article avec 7 jeux de rythme pour la fête de la musique. Donc je vous invite à aller le lire. Ils parlent notamment de Thumper, de Crypt of the Necrodancer et de Void. Ils parlent de DDR. Et de, je sais plus si c'est Elite Beat Agent qui parle. Oh, Elite Beat Agent, je pense. Ils ont fait une petite sélection de quelques jeux de rythme que je vous invite à aller découvrir. Bravo! On dit bravo! On a tenu combien? On a tenu plus de 30 secondes, ce qui est pour Gandalf 80. Pour Gandalf 81, avoir tenu plus de 30 secondes, c'est déjà un petit exploit. Mettez-vous-le et mettez-vous-la derrière l'oreille, ce qui ne veut absolument rien dire. Bon, mais par contre, là, on est arrivé au moment charnière. C'est ça. C'est le vraiment là, c'est la rupture. Le suspense. La référence. La référence, bah oui, c'est le moment que tout le monde nous envie, surtout Pépé. Surtout Pépé. Surtout David aussi. Je pense aussi. Je vois encore quand on lui posait ses questions, cet œil qui brille, ce regard. Particulièrement après le quoi qui se passe, hein, parce qu'il a été très actif. Pendant le quoi qui se passe, il pensait. Hein, voilà. J'ai senti l'homme. Vaciller. Voilà, vaciller devant les questions des invités, tout simplement. C'est ça. On a un petit jingle, je sais plus. Bah, oui. Ouais, petit jingle. Ouais. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips! Donc, comme vous le savez, on est seul autour de la table. On est seul au monde. Mais la technologie étant ce qu'elle est, on va passer un petit... Je pensais que tu allais parler du vagin artificiel. Non, on va passer à un petit tapel. On n'a pas la tonalité? Ou ça va arriver? Attends, ça marque appel en cours. Allô? Allô? Bonjour à vous. Oui. Qui êtes-vous, monsieur? Salut, Azertov. C'est Benoît Giraud, Benjir, alias Rural Normal. Comment allez-vous, monsieur Benjir? Eh ben, ça va. C'est bon? Ça va, je suis chez moi, tranquille. Ouais, t'as fini ton montage d'épisode? Non, j'ai pas fini. Mais en fait, c'est le dérochage là pour le moment. J'aurais fini demain soir, je pense. Ah, ouais. On a des infos. Ouais. Alors, je sais plus si on avait déjà cette chronique quand t'étais là, mais il me semble pas. En fait, quand on a des invités autour de la table, on a créé une nouvelle chronique qui leur permet de répondre à une question parmi une certaine liste. Une question con, bien sûr. Principalement venant, les questions viennent de Randall Flagg, mais ça après, dire que Randall Flagg est con, on ne le dira pas. Hein. Tu fais des raccourcis, je trouve. Oui. C'est du sophisme. Ok. Donc, donne-moi un chiffre entre 1 et 92, s'il te plaît, Toche. Toche, n'importe quoi, Benji. 42. Donc 42, c'est la question classique. Quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? Vas-y, répète la question. Quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? Eh ben, je crois justement que c'est 42, je crois. Est-ce que tu développes un petit peu plus? Mais sinon, tu... moi, je sais pas, j'ai envie de dire... La grande réponse à la grande question, quoi. On pourrait dire quoi? On pourrait dire que la réponse se situe entre l'univers intellectuel, l'univers physique et l'univers poétique. Bim. Fin du game. Bon, bah, c'était bim. Hein. Voilà. Ouais. Ah, bim. Voilà, mais je n'ai pas la réponse, hein. Personne. Ah non, c'est bien pour ça, justement, le principe. C'est les grandes questions comme ça, personne là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, allez, je pense qu'on va te poser une deuxième question. Il en reste un peu. Il en reste un peu, donc toujours entre 1 et 92, mais pas 92. Vas-y, tu vois, je suis chaud. Le numéro 16. La numéro 16. Cyprien ou Norman? Norman. Pourquoi? En fait, je connais pas tellement Cyprien. Tu n'es pas très Cyprien Gaillard. Moins que Norman. Je préfère Norman, je sais pas pourquoi. Norman, je le trouve sympa. Ok. Bon, du coup, on a fini avec nos questions. Est-ce que tu as un truc à rajouter en plus ce que tu veux? Mais je vous embrasse très fort. Bah, merci. J'embrasse vos auditrices et vos auditeurs. Je vous conseille d'être prudent si vous prenez le volant. Et puis voilà, quoi. Passez une bonne après-midi. Bah, merci beaucoup aussi, Ben, surtout. À toi aussi. Hein. Ouais, c'est cool. Bah, on se dit à bientôt. Moi, je pense. Je sais pas pourquoi. Ah oui. Ouais, à bientôt. En fait, je pensais que t'allais venir. En fait, je pensais que t'allais venir, que vous alliez passer me voir. Oh, bah, c'est pas possible. Donc, impossible. Je me suis préparé à votre venue, mais pas à votre coup de fil. D'accord, oui, t'avais pris le DM dans ce sens-là. Bon, non, mais t'inquiète pas, on viendra bientôt ouais, aussi. Oui, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Ouais. J'espère que vous reviendrez. Oh, bah oui. Bientôt. C'est pas un problème. Ouais. Bah, merci en tout cas, Benji. Ouais. Bah, ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc, pour rappel, donc, c'était Benjir du podcast La Diagonale du Vide. Ouais. Normal. C'est très fort. On est allé chez lui avec le Milou. C'est ça. Qu'on remercie aussi parce qu'il s'est remis récemment au podcast. Et première chose qu'il a fait, le Milou. Et il a réécouté Apéro Original. Et ça fait plaisir. Quand on se dit qu'il y a des gens qui avaient un peu, comme moi, ils étaient un peu passés. Peu loin du podcast, et le premier truc qu'ils refont, à peu près, je ne pense pas que c'était les premiers, je pense pas, enfin, je suppute un peu, mais bref. Et quand je vois que les gens reviennent nous écouter, ça me fait extrêmement plaisir, surtout de la part du Milou, qui est vraiment quelqu'un de formidable. J'espère qu'on aura l'occasion de le réinviter. Oui. On le passera sociétaire parce que Péridor, c'est un gros con. Oui, il veut pas qu'on l'appelle l'est occupé. Alors que moi, quand je te dis que je suis occupé, c'est faux, tu le sais. Oui, t'es juste aux toilettes. Bah, tout simplement. Ou en train de masturber. Ouais, il est occupé pour 30 secondes. Ouais. je peux pas prendre le téléphone, j'ai la main un peu. Bon, bref. Voilà. La main pleine. Voilà. J'ai l'innocent même pleine. Ah, c'est pas très raisonnable tout ça, monsieur. Monsieur. Donc. C'est un quoi que j'avais entendu ça hein? Aux innocents les mêmes pleines. Je sais plus. Et tu vois, on arrive à faire des pauses dans le podcast pour essayer de faire durer un peu. Mais je pense qu'on a déjà dépassé l'heure, on est bien. Ah oui, non mais... On est bien. Largement, on est à 1h20. Oh, putain. Mais c'est extraordinaire. Oui, bon, c'est pour ça, mais après... Bon, sinon, hein, on va continuer avec le petit quiz. Le petit quiz de monsieur. Allez-y. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Du jamais entendu ou presque, donc je pense que ça va parler de... Bonjour, je m'appelle Gandalf 81, j'ai une petite amie. Et non. Bonjour, je suis Gandalf 81 et... Et j'ai joué d'un quelqu'un. C'est pas du tout ça. En fait, ça aurait pu par contre. Hein. Ouais, j'avais préparé un petit quiz normal. Et je me suis dit, si j'ai le temps, je ferai un petit questionnaire cahier de vacances sur Spirou. Donc, si j'ai le temps, mais bien sûr qu'on a le temps. Mais oui, c'est pour ça. Mais monsieur, on a fait du podcast, on a tout le temps qu'il faut. Par contre, on n'a pas mesuré notre audience, donc il faut calculer le temps. Au prorata, oui, c'est ça. J'espère que Toshu aura entendu, j'espère que Toshu va se faire caca dessus. Oui. Par contre, je veux bien ton petit calepin, s'il te plaît, mon ami. Asto. Prends un morceau de page. Prends un morceau de peigne et cale-le. Oui, hop. En plus, c'est la région Midi-Pyrénées. C'est celui-là. Eh oui, c'est puisque la région Midi-Pyrénées n'existe plus. C'est vrai. Mais non, il y a en Occitanie. Alors c'est un questionnaire de journal classique pour définir votre personnalité, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, un test de personnalité. C'est ça. Et là, c'est en fait un test venant du journal, du magazine Spirou, et qui s'intitule « Quel héros du journal es-tu ?» Donc, je vais vous poser une certaine... Deux questions. Des questions, il y en a six, si j'arrive à calculer comme ça de visu. Et à chaque question, il y a quatre propositions... qui vous permettent de déterminer quel héros justement vous êtes. donc on va faire deux équipes. Oui. Je pense que ça va être... On va faire deux équipes, l'équipe G81 et une équipe... L'équipe Asto. Et une équipe Asto. Et cette équipe sera composée de Asto, pour l'équipe Asto. C'est ça. Alors, donc, la première... Mais on a pas ouvert la bouteille. Mais je te propose de le faire de ouais, suite. On peut, oui, vous pouvez y aller. Nos verres sont vides. Hein. Ah, bah j'étais le dernier. Bah mais oui, à force de papoter aussi. Ah oui, non, c'est ça. Donc, du coup, la première question. Et c'est le dernier qui a fini. Premier, servi. Tu veux le faire dans celui-là? Ouais. C'est une bière, c'est une toute. Hein. Elle ne prendra pas le goût de l'autre. Hein. Oui, non. C'est, pas trop, c'est bon. On va goûter déjà. Oh, voilà Ibilaï. Voilà, ouh. Oula, Rikissi, je crois que ça va la chiasse. Je vois pas d'où je suis. Allez, je t'en mets un peu. Ça sent. Ça sent l'impérial. Merci. Bon, tu finiras, espèce de. Ah oui. T'as une odeur de. Torréfié, hein. Ah oui, le Thor, il fie. Hein. Donc, oui, Tocheux qui demande les équipes sur le chat. Donc, on a d'un côté monsieur Gandalf. D'un côté, monsieur Asto. Une équipe chat. Et une équipe chat, voilà. Bien entendu. Mais l'équipe chat, je prendrai la première réponse okay. à Donc, la Tocheux. Question. Donc, pour le moment, Tocheux, ou Zafeu, ou mettez-vous d'accord. Oh, David, il allait oui. David, il est parti depuis longtemps. Il est venu nous insulter, il est reparti. Ouais, c'est ça. Il a attendu mon accent chantant et ouais, moi, je lui ai dit à plus tard parce qu'il va revenir à 21h pour dire mais vous êtes encore là, bande de cons. Donc, j'aurais aimé qu'une fille me dise pareil. Donc, les tablettes de chocolat, première affirmation, ça se mate sur la plage du côté des abdos des maîtres nageurs. Deuxième affirmation. Donc, les tablettes de chocolat, ça se partage avec les potes. Et si tu en as plus, c'est juste que tu es en nombre impair. Troisième affirmation, les tablettes de chocolat, ça s'essuie sur la bouche de ton petit neveu, sur son visage en fait. Quatrième et dernière affirmation, les tablettes de chocolat, ça se travaille à l'entraînement environ 37 secondes. Ouh, ça c'est plus long qu'un rapport sexuel avec Gandalf 80, déjà moi la quatrième réponse est totalement impossible. Donc moi j'irai la 3, parce que on va dire que quand ma soeur mangeait c'était tout un spectacle. Donc ouais, j'ai souvent un peu, t'en as un peu là. Donc, moi c'est 3. La 2 ? La 2 pour donc, moi. La 3 pour récapituler, donc les tablettes de chocolat, oui. Ça s'essuie sur la bouche de ton neveu, sur son visage en fait. Ah oui, et la 2, les tablettes de chocolat, ça se partage avec les potes, et si tu en as plus, c'est juste que vous êtes en nombre impair. Oh, ce petit goût chocolat là. Et pour le chat, mettez. Non, même vous pouvez répondre à plusieurs, mettez juste question numéro 1 ou 1 tiré et une des 4 propositions. Voilà, ça on attendra pas de renoter pour plus tard. Je suis fan de cette bière. Elle est pas chocolat, hein, il y a une espèce de petit goût un peu cacao là. Je sais pas, faut regarder sur la bouteille. Qu'est-ce qui est indiqué sur la bouteille? La 3, mais c'est pas du chocolat. Tu fais quoi avec tes neveux, Tocheux? Je ne juge pas. C'est du Nutella. Hein, ne juge pas, c'est pour savoir si je peux avoir des neveux, moi aussi. T'étais pas là, mais c'est du la nuit entre David et Cobal. Il y en a un, il a eu du Nutella sur le visage. Ce qui se passe sur la vie des autres. C'est de l'orge torréfiée, a priori. Ouais. Ça doit être le goût torréfié. De l'orge, ouais. Bah, un petit bout cacao, je te laisse. Dites-moi ça, regarde-moi. Ah, et ben il met 3 aussi, okay, voilà, Tocheux met 3. Il met la 3. Roule avec moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Donc, voilà. Question numéro 2. Comment vas-tu occuper ton après-midi? Une bonne branlette. Première proposition, de la crème solaire, 2 heures recto. Attends, c'était pas fini. De la crème solaire, 2 heures recto, 2 heures verso, le secret d'un bronzage parfait. Affirmation numéro 2. Construire une cabane, j'ai 3 planches et 2 vis, ça devrait suffire, non? Proposition numéro 3. Courir après des enfants pour éviter qu'ils mangent du sable ou qu'ils se blessent. Et dernière proposition. Jongler avec un ballon pour m'améliorer. Non, bon, en fait, pour frimer. Parce que moi, courir après les enfants, c'était oui, pour qu'ils bouffent du sable. Ouf. Non, pour éviter qu'ils bouffent du sable. Ouais, voilà, plutôt. Bah, moi, ils auraient mangé autre chose, mais bon, bref. C'est dégueu. Monsieur Gandalf. Oh, la 2, parce que moi, j'ai un besoin pathologique de devoir m'occuper. Moi, je peux pas rester. Je peux rester, ça rien faire. Donc... La 2, c'était. Construire une cabane, j'ai 3 planches et 2 vis. Ça devrait suffire, non? Ouais, moi aussi. C'est ce que j'ai fait en été. Construire une cabane. T'es, mais tu veux Pete Nelson, tu vas passer sur RMC Découverte. Oh, j'ai fait ça avec un pote qui avait 10 ans de plus que moi, à l'époque j'avais 10 ans. T'as fait des trucs avec des gens vieux. Donc... Ouais, c'était un pote qui était dans la même rue que moi. On avait construit une cabane dans les bois, et puis... En fait, c'était pas les bois de la personne qu'on pensait, c'était les bois de l'autre. D'à côté. Le bois était divisé en deux. Une personne qu'on savait qui c'était, qui nous a eu, si vous voulez. Une personne, un connard. On était chez Connard. Et en fait, on était chez Connard. Donc un jour, je suis retourné à la cabane, il y avait tous les rondins de bois. Bien empilés. Bien mis les uns à côté des autres, par terre. Toutes les ficelles, on avait mis la ficelle bleue, tu sais, la ficelle... Ouais. Ah oui, la ficelle, oui. Pour attacher. Hop, tout est posé les unes à côté des autres. Ah. Et puis la cabane. Alors qu'elle était super bien. Touche dit 3. Mais en fait, la réponse 3 va... Non, on va revenir à un running gag si on parle d'un fan à chaque fois, c'est vrai. Oui. Ouais, il a dit 2 aussi. Il a dit 2, oui. Donc, question numéro 3. C'est quoi ta boisson préférée? Le sperme. C'est pas ça, dans la proposition. Dans un spirou, je vous dis. Première proposition. Un coca ultra light, 0 calories au 1000 litres, offert par un fan. Proposition numéro 2. L'eau de source du bois, même s'il y en a qui disent que c'est de la vieille mare croupie. Proposition numéro 3, du café, beaucoup de café, un max de café. Ou proposition numéro 4, du Red Bull, la boisson énergétique du swag. J'ai pas écouté de ça, mais je suis la 2, l'eau de source du bois, même s'il y en a qui disent que c'est une vieille mare croupie. Bon, ce sera la 3 pour moi, du coup. Moi, je dirais 2 parce qu'en fait, moi, je bois que du thé. Donc il n'y a rien qui me correspond, en fait. Donc, L'eau croupie. C'est un peu par défaut. Ouais, ouais. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas voir la mouille. Question. Mais, c'est de Spirou, ça. Question numéro 4. Mince, il pleut. On se fait un ciné? Ça, c'est la question. Pourquoi pas? Première proposition. Et bronzé 3. Non. Ça tombe bien, la dernière comédie romantique de Bradley Cooper, putain, vient de sortir. Je note la 3. Proposition numéro 2. Bah non, on met son impair, on va jouer dehors quand même. Bah il faut jouer dans le jeu de les terrains boueux. C'est très proposition numéro 3. Pitié, dites-moi que la Reine des Neiges 2 n'est pas encore sortie. Ou dernière proposition. Film de super-héros. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que tenté de dire là, parce que je sais pas. J'aime beaucoup Bradley Cooper. C'est un acteur qui me plaît bien. Donc là, ouais. Le début m'a rien. Une bonne bouille. Ouais, ça va être la 4 pour moi. La 4. Ouais. Film de super-héros. Ouais. Mais j'ai bien fait. Hein. Film de super-héro. Nero le graveur. Oui. L'été, c'est aussi l'occasion de jouer à des jeux de société. Tu nous proposes quoi? Le Monopoly. Comment il s'appelle ce jeu? Le truc des inconnus, là, comment il s'appelle? J'aurai ta peau. Un jeu Fernand Satan. Avec. Non, je t'assassine dans un parking. Oh non. Donc, jeu de société, tu nous proposes quoi? Atelier, pose de vernis, comme ça, ce n'est pas. Comment ça, ce n'est pas un jeu de société? Donc ça c'est la première. Donc on dit la réponse de Tocheux sur le chat. Donc question 4 numéro 2. Mais j'aurais préféré une option levrette. Bien évidemment quand il pleut. Il va jouer avec son impair. Tout ceci me paraît tout à fait logique. Donc me paraît tout à fait legit, oui. Donc proposition numéro 2. On se fait un jeu de rôle, Donjons et Dragons, bien sûr. C'était quoi la main d'ailleurs? Atelier pose de vernis. Ah, comment ouais. Ça, c'est pas un jeu de société? Ok. Donc. Proposition numéro 2, on se fait un jeu de rôle, Donjons et Dragons, bien sûr. Proposition numéro 3, n'importe quoi sauf le jeu de cette famille, j'en peux plus du jeu des cette famille. Ou proposition numéro 4, vous voulez pas faire un petit FIFA sur ma Playbox plutôt? Alors moi, ça sera. Moi, ça sera 3. Je suis pas très. Je suis un peu papa, moi. Ouais. Moi, ce sera la 3, mais à la place de cette famille, zombicide. Ou Munchkin. Au hasard. On rappellera toujours l'adage disait les invités ont toujours tort. Ce sera. Non, les absents ont toujours tort. Ouais. Ce que vous voulez, mais pas un zombicide ni un Munchkin. J'en peux plus du zombicide et du Munchkin. Bah disons que le Munchkin, ça fait quand même vraiment un moment qu'on a arrêté d'y jouer, donc ça serait peut-être l'occasion de se refaire une petite partie avec les règles classiques. Dis pas ça trop fort. Oui, je nous écoute pas. Il est pas là non plus, donc tant pis. Les absents, toujours tort. Venir, le connard. C'est enregistré, hein, merde. Oui, alors que Toshu n'a pas pu venir, mais lui, c'est dommage. Mais lui, il est quand même là. Ouais. Donc Toshu répond question 5, proposition numéro 2, mais j'aurais préféré l'option partouze. Dis donc, si Toshu, c'est s'amuser, dis donc. La 2, c'était oui, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. D&D. Bah après, Donjons et Dragons, tu fais ce que tu veux. Oui, après, tu peux faire... Ah, mais si tu veux jouer à quoi ça s'appelle... Il y en a plein, des jeux de rôle qui sont bien. Il y a Shadowrun, il y a... Oui, Vampire, Shadowrun... On arrive donc maintenant à la dernière question. En littérature, c'est quoi ton dernier kiff? Oh ben, le même que Toshu, attache-moi. On arrête tout. On plie boutique, l'épisode 2, l'épisode 3, vous vous le foutez au cul, on arrête tout, on arrête là-dessus. Donc, première proposition, la saga Twilight, j'adore les bad boys sexy. Moi je préfère Twilight sèche. Ouais, j'ai pas envie de mettre un jingle en retard. C'est pas grave, les gens le mettront dans leur tête. Voilà. Il se mettra dans le tempo, mais voilà. En post-prod. Voilà. Bon, non. Pause. C'est bon, on peut le mettre. J'ai lu Franck, ça a été un long de réécrire toutes les voyelles dans l'album, par contre. Piouf. J'ai lu parce Franck. Que la, pour expliquer un petit peu cette blague, ouais. La BD Franck, ouais. Donc il s'écrit F-R-N-C-K. En fait, c'est un adolescent qui remonte le temps et qui arrive à la préhistoire, ouais. Avec des hommes préhistoriques, mmh. Qui parlent, mais sans prononcer les voyelles. Ah ! Donc, au début de la BD, ouais. Bah, t'as toutes les voyelles qui manquent, mais t'as les consonnes. Donc, tu arrives un petit peu à déchiffrer le, ouais, ce qui est dit. Ah, sacré exercice de style, quand mais, même. Ouais, et plus ça va, plus les voyelles apparaissent, ou ils n'utilisent pas forcément les bons mots, mais ils utilisent un synonyme, mais pas forcément. Oui, ouais, je vois un peu l'arrêt. Donc, c'est assez marrant. Il disait qu'il y avait des dépôts, je le vois un peu là-haut. Ben, j'ai lu un roman policier jusqu'à la page 12. Après, la petite Zoé a renversé son milkshake sur son milkshake dessus. Ou, dernière proposition de cette dernière question, le livre d'images Panini de la dernière Coupe du Monde, je l'ai fini. Ouais, moi je lis pas, quand j'ai du temps, je vais sur X-Hamster. Ouais, mais du coup. Du coup, il y avait 3 réponses. Non, il y en a 4. Donc, la saga Twilight. Ouais, c'est chaud. Franck. Ouais. J'ai lu un roman policier jusqu'à la page 12, et le livre d'images Panini de la dernière Coupe du Monde. J'avoue que ça va faire trip de papa, mais j'avoue que le j'ai pas lu jusqu'au bout, c'est très moi. Le roman ? Ouais. Ouais, moi aussi. Donc ouais. Le 3. Moi aussi, je suis du genre à ne pas lire un roman. 3. Donc on peut dire. 3. On s'en achète pour se donner bonne conscience, tu vois. Mais... C'est ça. Donc. Et 3 aussi, pour Toshu. Mais Toshu dit mais j'aurais préféré l'option Kama Sutra. J'ai vu une phrase comme ça ce matin. Il y a une thématique dans ces réponses. Oui, j'ai vu une phrase comme ça ce matin, c'était la Bible nous apprenait l'amour, mais le Kama Sutra va un petit peu plus loin. pourquoi il a réécrit mais en mettant le Kala Sutra? Ah mais il a peut-être eu un problème d'envoi du message. Ouais. Alors, je me sustente et je fais les calculs après. Oh, mais tu vas en avoir plein à finir, dis donc. Il va falloir que je fasse une outro à rallonge, là. Non. Donc, vu que c'est un questionnaire de journal, c'est la majorité de propositions. Bah oui, évidemment. Selon nous n'allons pas nuancer. Donc, nous avons à ma gauche, monsieur Gandalf, qui a... Société, il est... Combien de questions est-ce ? 3 réponses pour la troisième proposition. 3-3. Mm-hmm. 3-3. Un peu comme Sur Strike, quoi. Nous avons, bah là, c'est pas drôle, mais nous avons à ma droite Asto avec 3 propositions. 2. 3. 3 aussi. 3 aussi. T'en as 2 à 2. Oui, des papas, des dames. Oui. Ça n'arrive. Et nous avons donc Toshu sur le chat. Ouais, c'est pareil. Qui est. Non, lui c'est drôle parce qu'il est égalité. Un cas d'égalité. 3-3 et 2-2. C'est-à-dire qu'il y a un cas d'égalité, je ne sais pas. Donc, il est bissocié, quoi. Il est dissocié. Voilà. Donc, je vous dis toutes les propositions et après, je vais vous dire qui vous êtes. Je sais venir le truc. Dis-moi qui je suis et je saurai qui je suis. Voilà. Donc, dans le cul. Je vous dis pas forcément les réponses dans l'ordre pour ménager un petit peu le suspense. Oh, le suspense. C'est ça. Donc, plus 2, 1-1. Comme pour Lucas, toi l'été ça sert à faire un max de sport. Le meilleur moyen pour draguer, à part jouer de la guitare, mais déjà que t'as du mal à jouer de la flûte à bec. Donc ça c'est aucun de nous. Là c'est plus sport. Le plus de 1 m'a tué, moi. Parce que tu peux t'imaginer tous les mots que tu veux derrière. Moi je me suis imaginé les mots les plus. Dégueulasse. Le plus de tut. Les vacances, c'est la bagne. C'est le bagne. Ah. Comme Dad, tu attends la rentrée avec impatience pour ne plus devoir t'occuper de la marmaille familiale à longueur de journée. Ouais, ça c'est a priori ce qu'on a eu, mais moi ouais. Ça me correspond pas. Donc t'as une grosse bite de papa, on sait pas. Plus de tagla, soin. Tu comptes bien profiter des vacances pour vivre des aventures incroyables, telles les chevaliers de l'Apocalypse, ou bien juste faire une balade en vélo, c'est sympa aussi. Ça me correspond plus. Et plus de tu pourrais être le premier épisode. Tu pourrais être le quatrième membre des Nombrils. Les vacances, ça sert à se remettre au top de la forme pour briller en société. Nous, on n'est pas des Nombrils parce qu'on n'a pas d'été. On n'a pas d'été. D'après ce que moi, c'est Dad. Nous, c'est Dad, je pense. Bah oui, si tu veux. On est des papas, nous. Eh bien, vous avez raison. La proposition numéro 3, c'était Dad. Donc, les vacances, c'est le bagne. Comme Dad, tu attends la rentrée avec impatience pour ne plus devoir t'occuper de la marmaille familiale à longueur de journée. J'ai une grosse bite de papa, mais je peux jamais faire papa dans maman. Je m'occupe d'aucune marmaille pour l'instant. Oui. Et donc Tocheux, c'était à peu près pareil pour la 3. Et pour la 2, à votre avis, ça correspond à quel... C'était des trucs un peu sauvageons, là, non? On fait du vélo. La 2, ouais, c'était la dernière, je crois. Non, c'était les nouveaux. Celle où il fait du vélo. Et ouais, c'est ça. La 2, c'est tu comptes bien profiter des vacances pour vivre des aventures incroyables telles que les chevaliers de l'Apocalypse. Ouais, c'est ça. De l'Apocalypse, pardon. Ou bien juste faire une balade en vélo, c'est sympa aussi. Ou aller sur une plage naturiste, hein, vu les réponses de notre ami Tocheux. La 1, c'était le beau gosse, là. La 1, c'est les nombrils. Donc, c'est les trucs, on va dire, superficiels, bronzage, machin. Et la dernière proposition, donc, c'était le sportif. Attention. Waouh. Niquez vos mères. Donc, les morsailles. C'était la petite récréation. Je vais pouvoir en remettre ça là-bas. Ah, et c'est... passer au véritable quiz de ce numéro. Ah, mais en plus, il y avait vraiment une enculerie. Ah non, mais oui, là, j'avais pris ça pour... Parce que je me suis dit, le quiz, il va... Ah, mais si à ce niveau-là, si j'avais su, j'aurais ramené beaucoup de pommades. J'aurais pris la vaseline. Donc, mon quiz qui s'intitule du jamais entendu ou presque. Est-ce qu'il faut les écouteurs, du coup? Ah oui, ah. Il faut entièrement les écouteurs. Il faut les écouteurs, vive les Bretagne. Approchez-vous de votre poste, les amis. C'est ça. Donc, réglez la fréquence. C'est un quiz un petit peu classique. Sauf ceux qui nous donnent rendez-vous à la plage naturiste. Si tu veux, s'il fera. Donc, mon quiz qui s'appelle du jamais entendu ou presque, je vais vous passer une trentaine de musiques. Mm-hmm. Bien sûr, coupez, vous aurez le temps de... Et moi, je me suis aligné sur la bière, je me suis dit, putain, ah oui, non, on peut y aller. Tu peux te resservir. Tu sais, mon blind test de 2 heures, il avait 50 morceaux. Hein. Ah oui, non, c'est pour ça que j'ai fait court et j'ai pris avec le journal parce que... Je repose tout parce que... C'est très basse, hein. Donc, je vais vous passer des extraits de musique. Mais écoute, moi, donc, aussi bien de la musique que du générique que de... Du générique Hunter. De l'opening, l'opening ending, etc. Ou de la musique... Mais le mec, il va me flinguer un potentiel... Non. Blind test, parce que j'ai fait les openings. Il faut que je fasse un blind test sur les endings, avec 50 endings qui durera 2h30. T'inquiète pas. C'est ça, que bien sûr, vous me connaissez, moi, dans la vie, j'ai deux passions. Imiter le générique de Tex Avery et La bière. Non. Du coup. Et me. Ah, et me. Donc, je vais, j'ai interprété les musiques version me. Et on va en avoir 30 comme ça. Ouais. Et donc, bon voyage, bonne souffrance. Je vais attaquer la deuxième bière de l'apéro. C'est ça. Ah ben le con, ah ben ton jeu dit le con. Hein. Je pense que là, il y aurait eu un mort déjà. Donc, eh ben, t'aurais fait ça à David ou à Pépé, ils auraient été morts. Ils auraient jamais été voulu. Pépé aurait jamais voulu être sociétaire avec ça. Mais t'avais trop. Mais t'aurais dû le garder pour que l'épisode lui vienne, putain. Donc, du coup, première musique. C'est. Non, je vais pas vous donner d'indice si vous trouverez pas. Ouais. Ou aide-nous vite, oui. Oui. Attends, je sors Shazam. Ah, mais non, ça marchera pas. Exactement, c'était Daniel Balavoine, sauver l'amour. Le besoin par l'envie. En fait, tout ça, tu l'as gardé, tu veux le sortir à Podren. Ne m'aime pas. Cela, non, à Podren, ça sera peut-être. Des nouveaux ? Non, mais à Podren, il faut venir parce que c'est fait en direct. Oui, voilà. Ah oui. C'est ça qui est drôle, parce que des fois, quand je me rappelle plus, je chante au lieu de chanter. Alors, on a le droit à la répétition, c'est quand même un con, quand même. Au lieu de chanter Marmelade, j'ai chanté Lady Lay. Putain, 29, encore. Un kilo. 30, mais je vais arrêter le. Oui, c'est ça. Donc, on passe à la deuxième, qui va être un petit peu plus difficile. J'ai pas assez de gorgées, là. Tu peux monter un tout petit peu le son, du coup, si c'est les mêmes volumes, histoire qu'on soit bien. Je vous reviens train de morceaux comme ça, allez, je vais pas tenir. Ça va passer, on le fait. Hop. On passe au troisième. C'est Terminator, ça. Au début, ça me faisait pas ça, non? Mais oui, mais Terminator, c'est. C'est à peu près pareil. You and I, Fanel, exactement. Il est en train de me mettre une espèce de quenelle. J'ai l'impression que je suis face à Dieudonné. On est sans déconner, quoi. Je suis chaud, je l'ai dit, je suis chaud. Alain Sourd, moi je suis Alain Sourd. Mon chien regarde ça. C'était du Matmata Apology. Non, mais moi je vais les shooter, oui, les 30 morceaux, je vais les shooter. Tu veux le chien, il y aura l'inset. Le porc. L'inset, comme je ne peux même pas entendre. Le porc. C'est de la... C'est assez connu dans une version... Je dirais du web. Je sais pas parce que j'ai pris au pif. C'était Creep. C'est Creep Unplug. Oui, bien sûr, les meumeux correspondent à peu près à chaque fois aux paroles qui sont... De... I'm a creep. Such a lonely day. Je me fais mais. Attidu. Le mec il a tiré à l'air, j'ai fait là. Eh mais ça fait trop mal aux oreilles ton truc. Quand il est parti, Usain Bolt il reste des ourblases. Malcolm, exactement. Toche, il a quand même trouvé l'apologie. L'apologie, et trio. L'air de nous. Il aura Malcolm avant nous parce que j'ai mis trop longtemps à le retrouver. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges libérée. Ah non, mais c'est... Moi, je suis Alain Soral, c'est Dieu donné. Quenelle sur quenelle. Ouh, je vois pas. Le générique de Tex Avery. Exactement. Tu pourras la ramener à Japin Tars. À Coucou Circus. Pokémon. Exactement. Ça manque de Joe Satriani. Il est né au Rita Mitsoko. Ah oui, le Rita, mais j'ai trop de lag. Oui, on va vite, hein, aussi. Hein. Oui, ça va. Ah, on dirait une sextape avec Gordon Fatra. C'est pas bien. Et... Je vais attendre un petit peu maintenant. Minus c'est Cortex. Oui, parce que ça vient un peu. J'avais l'air, mais j'avais plus le truc. J'avais plus. C'est Mickey, il arrive et il pisse. Ah, mais ça c'est. Alors c'est l'homme ou l'autre. Les zinzins. C'est les zinzins de l'espace. Oui. Parce que les mecs ils avaient quand même un générique par Iggy Pop. Albert le cinquième mousquetaire. Exactement. La bolognaise. Très bon. Sauce soit bolognaise. Ma C'est un sociétaire, mais bien plus encore. On fout de sa gueule parce qu'il Il y a de l'humour quand même ce con. Tu as pas fait la feuille pirate encore. C'est un dessin animé. Oui. Non, non, mais... Qui passe sur... American Dad. American Dad, oui. C'était bien ça. Là, par contre, celui-là, si vous le trouvez... Chapeau Lastico, Mireille l'abeille. Ouais, j'en ai chié pour le faire et à un moment, j'en ai eu marre et j'ai pris ce qu'il y avait. C'est les paroles, c'est là. Mais APP, il peut s'accrocher, hein. Ouais. Là, je baisse un petit peu, donc il y aura peut-être un raccord son, parce que ceux-là, ils ont été enregistrés avant et pas de la même façon. Au début, je crois que tu nous faisais l'illustrateur. Les piles, peut-être, aussi, elles sont en force. Donc, c'était bien Les Enfoirés, la chanson des restos. Donc, toi, tu dois savoir à petit peu près les prochaines. Tu m'aurais fait Ulysse 31 comme un prêtre, je te biflais. Parce que moi, Ulysse 31, c'est ma série. Oui. Voilà, vous aurez tout de celle-ci. Oh mon dieu, mais t'es une autre. Est-ce que vous avez une petite idée? Mais zéro, ça me dit un petit peu quelque chose. Mais... C'est de la musique. C'est de la... Française. Les restos du cul. Putain, il fait la même blague que moi, quoi, putain. C'est de la musique française. Hein? Ouais. Par une chanteuse. De loin de le roi. Non. Qui a fait un film sur les personnes sourdes, malentendantes et qui parlent en langue des signes. Oui. Ah, c'est moi qui ai été obligé de doubler le poème parce que c'était... C'était Louane avec Avenir. Et le tout début... Ouais. Ça fait pas tout à fait comme ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui. Là, c'est juste le début... Tu veux pas nous mimer le cul de la serveuse de VNB, putain. C'est pareil qui te continue. C'est ça, Toche, la famille Bélier. Louane ? Oui, c'est le film avec les. François Damien. Avec François Damien. Ça, c'est un hommage à notre Johnny National. C'est ça, toujours en bout de dents, hein, bien sûr. Mais la règle avec le, la façon dont tu fais le me, c'est juste l'éclair. Oui, c'est vrai, oui, ça me rendait dans la rue. Puis d'un coup, t'as dit Julien Clerc. Je fais Julien Clerc. Puis d'un coup, il a dit Julien Clerc. Puis d'un coup, il est fier, Julien Clerc. Putain, il le fait pas. Ce bâtard. Me. Au final, il y a quelque chose quand même qui devient assez logique. Je comprends pourquoi personne n'est venu. Les mecs, ils osent. C'est Charles Trenet, la mer. La mer. Oui aussi. C'était fini au moins. Oui, c'était la dernière. Ouais. Donc à partir des enfoirés, en fait, c'est ce que j'ai fait pour Pépé, pour son marathon. Tu fais du recyclage, c'est bien, c'est podcast ça. C'est très podcast, c'est bien. Ça me plaît beaucoup. Maintenant que c'était fait, je suis. Ah mais non, mais Toshu est chaud, hein. Toshu est chaud. Hein. Je pense qu'il aurait été là aussi, il m'aurait mis une quenelle. Oui. Ça aurait été mon produit donné. Hein. Il aurait eu lieu de donner, ça aurait été un peu compliqué. Mais bon. Donc, ouais, il trouve la suite. Mon Dieu. Donc, bravo à vous d'avoir... Bravo le chat. Enfin, le chat. Supporter tout ça. Enfin, je suis tout défoncé. Ça fait quoi? Je crois qu'on a atteint un strange goal, là. Il n'y a plus de backer, là. les potentiels de fond au niveau du référencement, il n'y en a plus. On est d'accord. C'est ça. J'espère, c'est pas possible. Enfin, du meumage que quelqu'un arrive à trouver, quoi. Qu'on arrive à trouver, c'est... Recyclocast. mais quelque part, je pense que... Tu vois, un filon, parce qu'il y a quoi qui reconnaît pas, hein, donc je pense que je dois louper un truc. J'ai une culture de musique française, voilà. On rappellera quand même, c'est moi qui ai fait gagner un apéro, quand même. Avec Jean-Pierre François. Oui. Les vrais sourds. Hein. Bon, peut-être que j'étais Jean-Pierre François, donc... Les vrais sourds. Siempre adelante. On continue, s'il te plaît. Donc, je vais mettre ton petit jingle. Là. Je mets le jingle, où tu parles avant. On va mettre du jingle, allez, vas-y. On met le jingle, allez. On en parle après. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu : descends du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Alors, c'est le moment où je me rends compte que j'ai déjà fait. En fait, j'étais dans la partie facile, tu sais, parce que j'avais rien à faire. Et là, je suis un peu. Quoi ça ? On va dire que les prochains épisodes risquent d'être assez folkloriques, je pense. Hein. Mais bref. Donc ça fait combien de temps qu'on y est sur cette purge ? Deux heures. Oui. Donc, un petit peu moins. À une époque, on se disait, on a tenu une heure, c'est trop bien. Waouh, tiens. Eh, on a fait deux heures à trois. Hein. Des fois, on fait une heure moins deux heures. On fait une heure à cinq. Une heure vingt à cinq. Oh, mais je pense qu'il y en avait qui voulaient que ça finisse. Il y en avait qui voulaient que ça finisse. Je pense que c'était ça l'astuce. Donc, comme musique, alors, certains savent que j'ai un podcast maintenant musical, donc je choisis mes musiques avec parcimonie. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Parcimonie qui est venu. Rien c'est quelqu'un ça. Qui existe sur Twitter. Parcimonie, c'est vrai. C'est une amie à Kikrine. Qui est revenue sur Une fille, un podcast. Ouais, elle a sorti un épisode il y a quelques temps. Donc, ça fait plaisir. Le monde du podcast à la trique, tu vois, il a le... Il est encore un peu de... Encore vif. Voilà, il peut profiter de la vie. Tu dois être au courant, mais elle m'a fait Les Abyssales aussi. Oui, bien évidemment, avec mon ami Redscape. J'ai failli écorcher son nom. J'étais déjà un peu trop, j'étais trop dans le game. Comme dernière musique, j'en ai pas parlé toujours dans Up to Eleven, mais ça viendra, bien évidemment, parce que je ne peux pas passer devant cette... monstruosité, j'ai envie de dire, mais au sens noble du terme, non, c'est Gary Moore. Nous allons écouter la musique, et c'est extrait de l'album de 1987, donc c'est plus vieux que tous les gens autour de la table. Je pense que Tocheux aura connu ça quand il était déjà à la retraite. Quel décompli ça, je sais qu'il pourra pas me taper, mais la prochaine fois il s'en rappellera. Il va se faire démonter. Il va me mettre du ping dans le cul la prochaine fois. Et donc, Garou, 1987, donc voilà, White Frontier, un album qui est extraordinaire, et c'est le tout premier, premier single, premier titre de l'album, c'est Over the Way and Far Away, et vous allez voir que c'est de la musique irlandaise pur jus, et c'est du blues rock, en veux-tu, en voilà, donc, et c'est vraiment du Gary Moore qui me manque à moi terriblement, il est décédé en 2011, et je regrette toujours infiniment de jamais l'avoir vu en concert, parce que c'est un vrai monument, mais je vous laisse là-dessus. Des fois, les mots doivent se taire devant le personnage. Ouais. Donc, du coup, au mois prochain. Au mois prochain, les amis. Salut. Salut.